Ça m'est égal en fait. Oh bien, oh, c'est gentil ça, t'as de la chance. Je t'ai balancé, c'est ça, ça a été drôle. Bon Aris, quel est le truc que tu détestes manger toi? Alors moi c'est pas avec mes parents, c'est avec l'école. Il y a un repas chaud. Ouais. Et il y a du poisson. Et en fait le poisson, soit il est dur comme du métal. Ouais. Soit en fait il est mou comme de la mousse quoi. Donc c'est tout, l'un ou l'autre quoi. Ils ont un problème de cuisson de poisson, ouais, je pense. Ouais, c'est ça. On va envoyer, je te blesse à la cuisine. Comment tu l'as dit? Je te blesse, j'arrive jamais à dire. Bref, celui qui fait cauchemar en cuisine. Et du coup, et quoi, t'aimes pas le poisson ou ouais? Non, mais là je comprends, dur ou mou, pas ouais, terrible, non, quoi. C'est pas top quoi. Et je vois les choux de Bruxelles aussi, t'aimes bien ça avec le poisson, c'est bon. Non, les choux de Bruxelles, je n'aime pas ça. T'es pas le seul, comme beaucoup de gens. Bon, merci d'être venu ce matin, Aris. On t'embrasse, on te souhaite une très belle journée à l'école, que tout se passe bien, mon poulet. Ça va? Je pourrais passer une dédicace. Vas-y, Aris, vas-y, fais-toi plaisir. J'aimerais bien dédicacer à Azam et Torbeck Vétéran. Ouais. Ouais. Et c'est tout? Non. J'aimerais bien dédicacer ma petite amie Camille Valin. Wow. Ils sont amoureux. Ouh là là. Ouais. Je crois qu'on l'a gêné. Et puis, Yuk, Léon, Elliot, Nicolas et Yassine. Le message est passé, moi, Aris. Belle journée à toi, mon pote. À bientôt. Bisous. Bisous Aris. Il y a Dylan qui est là aussi ce matin. Salut, Dylan. Bonjour, les petits fous. Salut. Dylan, 11 ans aussi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger, toi? Le poisson. Le poisson? Ah, toi aussi. Ah, toi aussi. Et pourtant, c'est bon, c'est plein d'oméga 3, 4, 5, 6. Non, j'aime pas. Moi, j'aime bien les fish-tiques. C'est vrai, même des fish-tiques, t'aimes pas? Les fish-tiques, c'est la base. Non, j'aime pas. Oh, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a de poisson, ça me dégoûte un peu. Et qu'est-ce que tu fais si maman ou papa fait du poisson alors? Eh ben moi je mange autre chose. Le petit prince ici. Je vais au grec à côté de la maison. Et maman steak. C'est qui cuisine à la maison, papa ou maman? Maman. Et alors ça va, elle s'en sort bien avec la cuisine ou? Très bien même. Oh, très bien, ah, ça va. Bah, tu veux ce qu'il y a sa maman à côté avec la main là, déjà. On va s'inviter à la maison, Dylan. On va passer manger un de ces quatre. Tu veux passer une dédicace, Dylan? Non, ça va. Eh ben c'est parfait. Bisous à toi mon Dylan, à bientôt. Gros bisous. À bientôt, au revoir. Ciao. Ah, elle a 10 ans, elle s'appelle Alissa. Bonjour Alissa. Bonjour. Alissa, sois la bienvenue dans le 6-9 ce matin. Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger, toi? Moi, j'aime pas manger les pâtes. Les pâtes? Oh, ça existe? Sacrilège! Ah, mais je meurs! Moi aussi! Et vous savez quoi? Elle est italienne. Mais enfin, Alissa, c'est super bon, les pâtes. Qu'est-ce que t'aimes pas dans les pâtes? Mais je sais pas, j'aime pas. Mais des pâtes comment aussi? À mon avis, il y a une sauce, il y a quelque chose avec qui fait que t'aimes pas, c'est pas possible. Bah là, c'est bolognaise, j'aime pas non plus. À part les boulettes aux tomates. Ah oui, mais ça c'est mais pas tu mal. Peux faire des pâtes avec des boulettes sauce tomate. Enfin, c'est pas très. Enfin, voilà, mais c'est très bon. Mais Alicia, pourquoi t'essayes pas des pâtes au ketchup ou des pâtes. Non, mais arrête de les habituer mal des comme pâtes ça. Au beurre, toi. Des bonnes pâtes au beurre. Même ça, t'aimes pas, nature, t'aimes pas. Non. Avec une petite tranche de jambon. Ouais, mais ce qu'elle dit pas, c'est que maman ne cuit pas les pâtes. Alors, ah oui, forcément. C'est un peu dur. C'est maman qui fait la cuisine à la maison? Oui. Oui, et ça va. Comme dit Jérém, les pâtes, elle les cuit quand même. Ah ma chérie, tu sais quoi, tu nous étonnes, c'est bien la première fois dans ma vie que j'entends quelqu'un qui n'aime pas les pâtes. Ouais. Et les frites, incroyable. Ça va, les frites? Les frites, t'aimes bien Lisa? Oui. Oui. Ah, et le riz? C'est jamais? Oui. Ah bah c'est un détourné des pâtes en soi, hein. C'est un cousin des pâtes, hein, le riz finalement. On te souhaite une excellente journée Alissa, te fais un gros bisou à toute la famille et tu reviens quand tu veux ma belle. Oui. Bisous à toi. Au revoir. Au revoir Alissa, bisous. 6h, 9h, chaque matin. Le 6-9. C'est le 6-9 sur Énergie. C'est fort où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cible.

too proud, like the 21st century boy, like the 21st century boy. From it all, over and over again, I'm lonely. You should take me far from the road. Foire au vin chez Cora, avec plus de 600 références, c'est LA référence. La foire au vin, jusqu'au 29 octobre chez Cora. Ou sur corawine.be, à déguster avec sagesse. Nous sommes le jeudi 4 octobre, il est 6h02. Bonjour! Bonjour! On est ravis de vous retrouver ce matin pour bien finir la semaine parce que oui, jeudi, c'est déjà jeudredi en Belgique. Oui, c'est la fête. C'est trop chouette. On est tous là avec vous jusqu'à 9h. On va parler de pas mal de bonnes choses aujourd'hui. Il y a des bonnes actus qui vont nous faire plaisir. Ah oui, je vous le dis, ça va être sympa. Il y aura les concons de la semaine tout à l'heure. Il y aura les 7 questions de la mort qui tue. Ah, c'est trop bien. Ça. J'adore ce jeu. Il faut retenir les réponses et tout donner après. Les sondages du jeudi aussi qui vont arriver. Duel énergie à 8h05. Et puis, je vous ai dit plein de petits sujets d'actu qu'on a très sympathiques. Voilà, ce sera comme ça jusqu'à 9h. Et du parc Astérix aussi à vous offrir. Ah ouais, le beau séjour. Le là. Beau séjour, ouais. 2 jours, 1 nuit pour 4 personnes. Wow. J'ai craqué, mec. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais y aller la semaine de Toussaint. C'est vrai? Ouais, j'ai réservé. Oh, moi, je serais chaud aussi. T'as réservé déjà? C'est en pourparler. Sans pour parler. Je calcule combien ça coûte. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, dans Pirates des Caraïbes. Ouais, exactement. Je demande le pourparler. Comment ça va, Frisco, ce matin? Mais écoute, ça va très bien, en pleine forme. Il y a Jérém qui est là aussi. Bonjour. Il y a Tiffany au standard. Bonjour tout le monde. Il y a Aurélie de la rédac. Bonjour. Un petit point sur la météo, tiens, pour ce matin et aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le temps devrait rester généralement sec. On aura même de belles éclaircies côté température, entre 16 et 19 degrés. Ah bien, super. Eh bien, soyez les bienvenus sur Énergie. Voici Kenji, et vendredi, concert avec lui ici chez Énergie. Ouais, ah oui, et interview aussi entre 16h et 20h. Avec Rally de Wendy, exactement. Ah. On va rester, je pense. Ouais. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Yeah. temps qu'on passe à pleurer sa mancelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Sur Énergie, bon réveil avec nous, c'est le 6-9 qui est là. On est là malgré les petits soucis techniques ce matin. On va pas vous cacher, on n'est pas dans le studio habituel. Oui, on a déménagé. Voilà, on a déménagé pour ce matin puisque vous êtes. On fait l'émission depuis Fun Radio. Voilà. Bah, sans déconner, des fois je me demande, ça irait pas mieux, quoi. Je vous dis, un service technique, les gars, on le refile à n'importe quelle radio. Hein. Vous nous appelez 0800 234 56, on vous le donne. On vous paye même pour vous le reprenez. Lizzo, dans un instant, on va jouer à la chasse au pipeau. Nouvelle petite séquence, voilà, qu'on avait envie de faire avec vous. La chasse au pipeau. Ah. Pipo industriel de Marco. Voilà, exactement. La chasse au pipo, c'est simple. Chacun va donner une révélation sur lui. Mais il peut pipoter s'il a envie. D'accord. Et okay. C'est à nous de trouver si ça pipote ou ça pipote pas. Donc le but, c'est de trouver qui ment. Qui pipote. Qui pipote. Et si c'est un pipote ou si c'est pas un pipote. D'accord, ok. Tiffany, on t'écoute. Alors, moi, j'ai déjà mangé des insectes. Ouais, c'est vrai. Super, bah oui. Super, le secret de dingue. Je pense que venant de toi, c'est possible. Non, justement, j'aurais dit pipo, moi. Ah, moi je dis pas pipo. Non, moi je dis pas pipo non plus parce qu'elle a peur des araignées, mais peut-être qu'une petite bestiole morte, elle l'a peut-être mangée, tu vois, pour faire un défi ou quoi. Alors, pipo ou pas pipo? Bah, c'est du pipo, tu déconnes ou quoi? Mais voilà! Je vous l'avais dit! Mais c'était évident, elle mangeait un insecte. T'as déjà vu quand elle voit une araignée ce qui se passe? Maintenant, il y a les petits insectes que tu peux manger. Tu vois, les petits insectes secs. Mais même ça, ça me dégoûte. Ah ouais, je pourrais pas. Tu sais qu'on dirait des cacahuètes, hein? Ouais, mais à l'aspect, c'est pas des cacahuètes pour moi. Donc, c'est des cacahuètes, vraiment. Allez. Nous, voilà. C'est le goût. Jérém, un petit pipo ou pas? Bah attends, je vais te dire la phrase, à toi de me dire. J'ai plongé dans une eau magnifique et je me suis retrouvé face à 7-8 requins. Non, mais lui, il nous prend vraiment pour des babas, ouais, je t'en déconne. Moi, c'est du pipo, quoi. Ouais. Non, moi je dis oui parce que ça existe. Tu vois, avec des cages autour, il a pas dit qu'il y avait pas de cage autour. Hein. Oui. Oui, mais non, pipo quand même. Moi, je dis pas pipo. Ah bah, c'est Frisco qui a raison, c'est pas pipo. Ouais, c'est bah, vrai. Bravo. C'était le truc, hein. Allez, en fait, j'ai fait de la plongée et j'ai nagé avec des requins, mais c'est des requins de récif, donc c'est des requins d'un mètre et demi, deux mètres. Hein. Oui, oh, oui, ça va. C'est requins, ils sont mignons. Et je te jure, j'étais avec une monitrice et je l'ai prise devant moi. On était à moins 10, 15 mètres dans l'eau. Tu sais, c'est avec la bonbonne, quoi. Ouais. Et c'est toujours en duo. J'ai pris ma monitrice et je l'ai mise devant moi. J'ai dit, toi, tu bouges plus. Tu restes devant moi, quoi. En mode bouclier, quoi. Mais apparemment, ils sont pas agressifs. Bravo. Et c'est très, très beau. Ah, bah ça, j'imagine. Moi, j'ai ma femme. C'est mon requin à moi. Frisco, Pipo ou vérité? Je me suis foulé l'orteil en descendant du fauteuil. Oh, te connaissant, moi, je dis que c'est ça, vrai, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Pas Pipo du tout. Ouais, c'est pas Pipo. Je te jure, je sais pas comment j'ai fait. J'ai voulu sortir de... Donc, j'étais couché. J'ai voulu sortir, mais de manière... pas genre, je me mets assis et puis je me lève, tu vois. Genre directement de coucher à debout. C'était trop pour toi. Ouais, c'était trop. Trop d'efforts d'un coup. Et toi? Moi, je me dis, si j'ai mangé des petits pots pour bébé jusqu'à mes 13 ans. Ah oh oui, des moi petits pots pour oui. bébé, c'est ouais. quoi ça? Ouais, des petits pots, quoi. J'ai pas ah, mal. Banane. Ouais. Moi, je dis pas Pipo. Moi, je dis Pipo. Moi, je dis pas Pipo parce que je te connais. Et que je connais ta mère. Sérieux? Jusqu'à 13 ans? Allez, à vous. Allez, dis-le aux gens. Bon, d'accord. Voici les deux sur Énergie. Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy. Hit my phone boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, I hit papi. Baby, I don't need you, just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? Sur Énergie, au 14 déjà. Oui, bah oui, 6h13 et 59 secondes, forcément. Ouais, voilà, on est vite 14. À 14. Hein. Kygo, Imagine Dragons, c'est ce qu'on va écouter pour la suite dans un instant. On a du séjour au Parc Astérix à vous offrir ce matin. Un séjour de 2 jours, une nuitée pour 4 personnes. Oui, messieurs, dames, nous vous envoyons là-bas ce matin. pète un câble total. Il suffit de vous inscrire maintenant, vous envoyez Astérix par SMS au 6018. On est sympa. On n'a pas eu le temps de faire des questions cette semaine, donc il y a juste un petit mot code. Ouais, au calme. Voilà. Astérix. Oui, on va commencer la difficulté la semaine prochaine, je vous le dis. C'est vrai? Ah oui, quelle est l'hypoténuse de... Non, je déconne. Donnez-moi le théorème de Pythagore. Vous verrez le niveau des questions. Oh, c'est très facile. Hein. Oui, oui, ça, oui. Ça revient même qu'on envoyait Astérix directement. Astérix au 6-0-1-8, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Vous envoyez ça maintenant, on vous appelle aux alentours de 9h et on vous offre ça, donc le séjour pour la famille ou aller entre potes. Et c'est vrai que plus on vous vend ce truc, plus on a envie d'y aller. Mais ouais, mais c'est un truc de fou. En plus, on a plein d'infos, hein, etc., sur le parc. Et plus on lit, plus on a envie de voir. C'est ouf. Ouais, et je sais pas si t'as regardé les photos de l'hôtel, mais il est dans la dans les bois, dans l'hôtel. En fait, il est dans le parc et il est magnifique. Les chambres sont magnifiques. Magnifique, ouais. Magnifique. Et ça, j'achète. Ah non, c'est une autre émission. Astérix au 78, bonne chance. C'est le 6-9. Téléchargez maintenant l'appli qui vous propose de la musique gratuite, sans abonnement, en illimité. C'est l'appli Énergie Belgique. Tous les hits, tous les styles, tout le temps. Avec plus de 15 radios de hits thématiques et des lives exclusifs de vos stars musicales préférées, enregistrés dans le studio d'Énergie. L'appli Énergie Belgique est disponible gratuitement sur tous les stores. 2 plus 1 gratuit sur toutes les colorations, soins et accessoires cheveux. Choisissez et mixez dans tous les magasins Dee et sur l'eShop Dee.be. Dee, faites-vous plaisir. Peugeot présente le choix des experts. Si un expert en design devait choisir votre voiture de société, il prendrait un look SUV avec des lignes fluides et un high cockpit pour l'ergonomie. Il choisirait donc une Peugeot, tout comme un expert fiscal, mais pour d'autres raisons. Tous les experts vous recommandent Peugeot. Dans chaque segment, Peugeot vous offre des moteurs avec une déductibilité fiscale jusqu'à 90%, des avantages de toute nature avantageux et l'offre 50-50 avec 50% de remise sur 100% des options. Offre soumise à condition. La question du jour! Peut-on payer ses achats chez MediaMarkt avec des poulets? Ça, non! Mais heureusement, il y a plein d'autres moyens de paiement. Et même la possibilité d'un financement sur mesure, ça oui! Plus d'infos en magasin et sur MediaMarkt.be. Sous réserve d'acceptation de la demande par Byway Personnel Finance. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Envie de faire une folie et de redécorer toute la maison? Alors profitez des semaines sans TVA chez Lindbacker. Avec 21% de réduction sur presque tout. Lindbacker, le design pour tout le monde. Ici Paris Excel à 50 ans et ça se fait avec des offres parfums exclusives à prix rond. Venez les découvrir aussi sur iciparixl.be. Ici Paris Excel, tellement toi. 6h17, dans un instant, on va parler d'Antoine Griezmann. Vous voyez, le joueur de foot qui joue à Atlético Madrid. Oui, évidemment. Le joueur de foot que je ne pourrais jamais me payer dans foot sur FIFA. Et mec, il est impayable. Il a 500 000 euros, enfin 500 000 foot. C'est vrai? Bref. Le mec parle de ses problèmes FIFA. Oui, un point sur les routes ce matin, Aurélie. Ah, mais ça bouchonne déjà au sud du pays sur le 411. Vous perdez une heure déjà entre Abbey et Sterpenich. Courage. Ouh là là. Take me for a fool. instant, c'est Madeline Bellé qui va arriver avec son Belléise et tout ça. Titanium, quoi, écoutez, il est 6h20. Bon réveil avec nous dans le 6-9. On va parler d'Antoine Griezmann ce matin, parce qu'il s'est passé un truc assez dingo. Vous savez que les joueurs, quand ils marquent un but, ils font ce qu'on appelle une célébration. Ouais. Ils célèbrent leur but, chacun à leur manière. Mbappé, il met ses deux mains en dessous ses bras, comme ça, en mode je suis le king. Je suis sorteur de boîte de nuit, ouais, je vois. Au coconuts, tu rentres pas. C'est ça. Je suis sorteur au coconut. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu celle d'Antoine Griezmann. Il fait le flipper sur le ventre. Non, il fait la danse de Fortnite avec le L au-dessus du front. Et exactement. Il se laisse pas tomber. Et il se balance. Ah, c'est Neymar, ça parle. Non, oui. Griezmann, en effet, c'est la danse de Fortnite, donc avec un L avec les doigts comme ça au-dessus du front. Ça fait comme une. Loser. Et après, il danse. Exactement. Et ben, sachez-le, il s'est fait voler son. Sa célébration par un joueur de foot, c'était dans le championnat péruvien, qui a célébré son but exactement de la même manière qu'Antoine Griezmann. Ouais. Il a pris un carton jaune. Mais non. Quoi? Mais pourquoi? Alors, pas à cause de ça, je vous rassure, l'arbitre. Ah, l'arbitre lui a pas dit. Copitage! Carton jaune! Copitage! Non, il lui a mis un carton jaune, puisqu'apparemment c'était un manque de respect pour le public. Apparemment, l'arbitre ne joue pas à Fortnite. Mais. Il est bête ou quoi? Mais peut-être que le signe qu'il a fait au Pérou veut dire autre chose. Oui, c'est peut-être le signe d'un gang. Ouais, non, mais peut-être que c'est allez vous faire foutre. Ça, en tout cas, ça n'a pas été fort accepté, jugé par les supporters adverses, pas très très cool. Mais il a quand même volé sans scrupule la célébration de Griezmann. Faut ouais, le dire. Franchement, aucune originalité. Il aurait pu. Les petits vols sans scrupule que vous avez déjà fait. Bon, on vole pas nous, mais bon, c'est vrai que des fois. C'est pas vraiment volé. Ah. J'ai dit des petits vols. Ah, ça va. Des petits vols sans scrupules. Genre, moi, ma passion, c'est des stylos. Me prête jamais un stylo, tu le reverras jamais. Ah oui. Le truc s'appelle retour. Ah non. Mais Marco, j'ai déjà remarqué, il demande même plus. Mais oui. Il se sert chez les autres. Mais complètement. Mais je te promets, tu me le donnes, tu me dis, il s'appelle retour. Je dis, t'es sûr? Moi, j'ai pas le même prénom. Tiffany, petit vol sans scrupules. Ah ben moi, je me souviens que j'avais acheté un petit ballotin de praline pour une copine, donc pour son anniversaire. Seulement, ben voilà, à force de, ben je m'y suis pris un petit peu à l'avance et donc je l'avais laissé dans le frigo. Et à force, ben tu te dis, allez, j'en prends qu'une, elle verra rien. Et puis quand tu t'es servi dans les pralines, puis j'en prends deux. Et puis t'en prends deux. Et puis au final, tu te rends compte que le ballotin est presque vide. Et tu vas en racheter un. Ouais, voilà. Mais je me suis fait plaisir sur le coup, j'avoue. C'est génial. Ne jamais acheter de ballotin à l'avance. C'est la règle, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, tu le manges avant, évidemment. Mais tu sais, même à deux minutes avant d'aller à la soirée et tu passes chez un chocolatier, c'est comme les frites de chez Quick. Hein. Si t'en prends une, tu finis le paquet. C'est clair, t'es foutu. Frisco, le petit vol sans scrupule que tu nous as déjà fait, toi. C'est honteux. Je suis désolé. Oh, j'ai peur. Je suis désolé pour ce qui va arriver ce matin. J'ai volé une place de parking alors que le mec avait mis son clignotant. Boum. Mais non. C'est pas si. Bon, je l'ai déjà fait, j'avoue. Et tu t'es fait taper? Mais non, parce qu'en fait, le mec, il avait mis son clignotant, mais il a vu qu'il était trop serré, donc il a fait le tour du parking. Et en attendant, moi, je l'avais vu, mais lui, il savait pas que je l'avais vu. Bam. Je me suis... Et c'était mec, toi hein. Moi je deviens mais méchant hein. Rageux. Ah non, ouais. Parce que je l'ai vu dans sa voiture. Il se dit c'est pas possible. Et lui il a pas de place. Mais il a pas osé parce que voilà. Une fois c'est une femme hein, qui m'a fait ça hein. Mais vraiment genre sans pitié quoi. Je te promets. Alors évidemment, avec tout le respect pour les femmes, j'ai pas gueulé. Tu vois j'ai pas je vous jure hein, je vais rayer la bagnole hein. Et puis après elle est partie. Je fais non tu peux pas faire ça. J'espère bien. Et, bah non bah évidemment que non. Et je suis parti. Mais c'est le truc, ça me rend mais malade. Hein. Et t'es avec sa clé comme ça, que sa voiture. Non, non, même pas. Même pas. Non, c'est ce qu'on appelle faire le malin. Moi, j'ai une anecdote avec le parking. Un jour, comme Frisco, je vois le mec faire le tour par l'autre côté. Je me dis cool, j'ai un raccourci, je vais foncer. Il y a une place de libre, je fonce. Je rentre dans la place. Je pouvais pas rentrer dans la place. C'était une Smart qui était cachée par la bagnole. Je déteste quand c'est une Smart qui. Ah oui. Tu sais, t'as l'impression qu'il y a une place de libre de très horrible. Loin. Tu fonces et en fait elle est prise là. Exactement. Onto Smart. Les petites cacahuètes, y en a marre les gars. Vraiment. Au pire, mettez-vous à l'arrière de la place qu'on vous repère. Si vous mettez toujours au fond. Bref. Jérém, le petit vol sans scrupule. Je sais pas si je vais sortir de cette pièce vivant. À ce moment-là. Frisco, ton dernier Kinder Bueno, c'est moi qui l'ai pris. Mais non, c'est toi. Mais purée. mais ça fait une semaine que je suis en train d'accuser Mathilde à côté, là. C'est pour ton bien, Frisco. Mais non, c'est pas pour mon... Mais justement, je dois entretenir ce gras, ok. C'est toi, mec, sans déconner. Oui. Jérém Fit, la nouvelle salle de sport. Eh ben attends, pour la peine, Jérém, tu peux aller lui racheter un paquet quand même. Ouais. Voilà. Arrête, hein, je l'ai partagé avec toi. Allez. You shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. Take your aim, fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. Take your aim, fire away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Ça va, on t'a entendu, baisse d'un ton, on dit oh là là, ah, dès le matin comme ça. Comme ça toi. Oh là, 6h28 dans un instant, Rudimental, il y aura 5 secondes of summer. Et c'est les concons de la semaine qui vont arriver juste après. J'en ai un, bah justement, on parlait de Fortnite juste avant avec Griezmann. On va parler de Fortnite entre un mec qui a 45 ans et un mec qui en a 11. Quoi ? Magique. Magique. C'est le gros concon de la semaine, c'est dans un instant sur Energy. Taking me to your front door. I know I shouldn't go. Heaven only knows that the side effect of my loneliness is you. Ooh, girl, all that I want, no good at giving you up. Come on and give me some love tonight. Ooh, girl, all that I want, no good at giving. This happens every time. instead I got a message. I take on my pride every time we undressin'. Draw the line, I'm out of line. Time should've taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressin'. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressin'. Draw the line, I'm out of line. Les concours de la semaine, ça arrive dans un instant sur Énergie. Il y a Rudy Mantal aussi et Major Lazer, c'est ce qui arrive côté hit. Avant ça, la météo. On aura des nuages ce matin, mais les éclaircies vont rapidement faire leur apparition. Côté température, entre 15 degrés en Haute-Fagne et 20 degrés partout ailleurs. Un point sur l'actu de ce jeudi 4 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour. Le code du bien-être animal arrive en Wallonie. Le Parlement wallon a approuvé le texte hier. À l'avenir, la maltraitance animale sera punie plus sévèrement. En cas d'infraction, les peines pourront aller jusqu'à 15 ans de prison. Côté amende, ça pourra aller jusqu'à 10 millions d'euros. Précisons que l'identification et l'enregistrement des chiens et des chats devient obligatoire. Il faudra aussi avoir un permis pour détenir un animal. En sport, en football, Bruges n'a pas fait le poids face à l'Atlético Madrid hier lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois se sont inclinés 3 buts à 1. L'Atlético doit sa victoire à, tiens comme par hasard, Antoine Griezmann qui a signé un doublé et une passe décisive. Ce soir, on a encore du football avec la deuxième journée de l'Europa League. À 18h55, Anderlecht reçoit le Dynamo Zagreb. À 21h, le Standard fait face aux Turcs de l'Akhisarspor. Et puis au même moment, Genk affronte les Norvégiens de Sarpsborg. Le 6-9 sur Énergie. C'est vraiment de la balle. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Oh là, une grand-mère comme ça, c'est pas au top sans déconner. C'est vraiment de la balle. C'est vraiment de la balle. Hein. 6h33, bonjour. Bonjour. Quel bonheur d'être avec vous pour démarrer cette nouvelle journée, jeudi 4 octobre. On la démarre tous ensemble, on va la créer ensemble et on va faire en sorte qu'elle soit bien. Moi, j'ai envie de la créer positive aujourd'hui. Ouais. J'ai envie positive, comme aurait dit Laurie dans les années 2000. J'ai envie que tout se passe bien, j'ai déjà envie de me faire 2-3 collègues aussi au passage, mais. Enfin. Ouais, enfin non, pas dans ce sens-là. Hein. En mode de punching ball. Ouais. Ouais, enfin quoi que, il y en a aussi 2-3. Mental Major Lazer. As I walk through the world, so many things I see. And then I say to myself, it's never as it seems. Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. Cause you are the one, you rule your world. No Batman on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live it up, live it up. Leave me alone. Now I've opened my mind, now come and set me free. Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. Cause you are the one, you rule your world. No Batman on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make her live my life. Leave me alone, make her live it up, live it up. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make her live my life. Leave me alone, make her live it up, live it up. Leave me alone. Second of Summer, on écoute ça juste après sur Énergie, 6h35. Voici les concombres de la semaine. On démarre fort avec un couple d'amants, une femme qui, voilà, allait voir son... son amant. Oui, bah oui, c'est comme oui, ça oui. qu'on dit. Hein, bah pour ça, hein. Pas l'habitude, plus souvent dans l'autre sens. qui a été voir son amant et puis pour rentrer, bah tiens, allez hop, j'appelle un taxi Uber. Le chauffeur qui se présente, à votre avis, c'est qui? C'est le mari. Non, oh non. C'est pas vrai. Mais elle est bête ou quoi? C'est génial. Coucou chérie, je te ramène. Non, je vais prendre un autre taxi. Ouais. Attends-moi à la maison. C'est incroyable. Attends, mais j'ai une question. Quand tu commandes un Uber, vous avez déjà commandé un Uber? Ouais. Non, moi jamais. Est-ce qu'on voit le nom du gars ou bien pas? Bien sûr. Ben ouais. Ah donc oui, elle oui, l'a fait là, vite fait, elle a pas vu quoi. Là c'était un gars en question qui devait le faire. Mais comme son mari était pote avec lui, on occupe. Je vais aller voir ce qui se passe. Oh là là là là. C'est génial. Moi je dis bravo monsieur. T'imagines, tu klaxonnes. Et puis alors t'as son amant, il dit chérie, ton Uber là. Un petit bisou et la meuf qui arrive toute contente. Il ouais, y en a pour tous les goûts dans les concours, il y en a pour vous aussi évidemment. À 45 ans. Sur Fortnite, un grand joueur, un vétéran, il y a déjà 40 millions de joueurs mensuels, hein, tous les mois. Sur le jeu vidéo, ouais, c'est dingue. Ouais. Incroyable. Et notamment quelques mauvais perdants, même beaucoup, dont moi. et à New York, il y a un mec âgé de 45 ans qui a été arrêté après avoir menacé de mort carrément, hein, un jeune joueur de 11 ans. Mais parce non. qu'il l'avait battu lors d'une partie. Mais t'es fou quoi. Le mec a pété une case. Il a perdu sur Fortnite. Toi je vais te buter, je vais te retrouver, shoot ami. Moi aussi on m'a dit dégage, t'es nul. C'est parce que tu joues en groupe comme ça là. Et tu peux parler aux autres. Mais en ouais. fait il m'a envoyé un message privé, tu vois. Il m'a dit dégage, t'es nul. Et là tout mon ego est parti mais 6 pieds sous terre. On part du côté de la Chine, si je dis pas de bêtises, avec un homme qui... un japonais, pardon, excusez-moi. C'est, ouais, ouais, ouais c'est en Chine. C'est en Chine. Un japonais de 51 ans qui s'était rendu à l'hôpital pour une consultation d'ordre psychique, donc le cerveau, quoi. Il venait consulter un spécialiste pour lui parler de ses soucis de perte d'appétit et de fatigue. Sauf qu'après consultation, il a été envoyé au bloc opératoire pour une opération en urgence. À votre avis, pourquoi? Je sais pas. Ils ont trouvé un truc, il a fait un scanner et ils ont trouvé un truc dans son cerveau. Bah, dans son estomac. Dans son estomac, 1894 pièces de monnaie que les chirurgiens ont dû ôter de l'estomac du malade. Mais... Il a pu les récupérer après? Ouais, je sais pas, c'est une façon de placer son argent. Hein. C'est mieux que la banque. Hein. Ah, et, mais je suis sûr qu'avec le suc gastrique, etc., ces pièces devaient être... Nickel quoi, tu vois. Avec tout propre. Ouais, il a bouffé 1000 pièces. 1894 pièces de monnaie, ouais. C'est enfin. Un trouble qui se caractérise. Mais alors, sachez-le, parce que ça, j'ai lu ça m'a fait un peu peur d'ailleurs. C'est en fait l'absorption itérative de substances non comestibles. Tout ce qui est un peu répugnant, nuisible pour nous, quoi. Genre pièces de monnaie, de la terre. Et quoi, il y a des gens qui sont attirés par ça. Bah, apparemment, souvent, bah, les enfants, c'est vrai qu'ils mangent un peu tout, n'importe quoi, ils veulent goûter à la vie. Des jeunes ados et des femmes enceintes, j'ai vu, et puis les patients psychiatriques. Mais wow. C'est les femmes enceintes qui m'ont fait peur. Chérie, j'ai changé d'avis. Je veux plus de gosses. Un détenu de prison qui s'est plaint et qui a demandé sa libération. Lui, il est magique. Hein. Je cite, « Je ne vais pas vous mentir, la prison, c'est dur, on mange mal, des courgettes vapeur avec de l'eau dedans, en une semaine, on en a compris, quoi. » Donc, en gros, il a demandé d'être libéré. Normal, quoi. Parce que les courgettes du réfectoire n'étaient pas terribles. Mais je ne mange pas bien, je vais mettre sur TripAdvisor le prison, deux étoiles. Le lit un peu dur. Eh bien, tu fais bien de parler de TripAdvisor, puisque c'est notre dernier concours de la semaine. Ah. Et je il fait pas, des transitions sans le savoir. Il y a un mec qui a pris 9 mois de prison, c'est un Italien. Il avait lancé une société où il écrivait en fait des faux avis sur TripAdvisor. Ah, purée. Et il a été condamné à 9 mois de prison et 8000 euros de dommages et intérêts, quoi. C'est pas vrai. Le mec écrivait des commentaires bidons, quoi. Genre, venez pas là, c'est nul, on mange très mal. Alors qu'il parlait d'un hôtel. Où il n'y avait pas de restaurant. ou l'inverse, tu vois. Ouais, c'est ça. Ne dormez surtout pas là, on dort très mal. Bah oui, c'est pas un hôtel. Enfin voilà. Pas mal les petites pépites de cette semaine. Ah, c'est cool. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. Giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Out of your life. kiss the last goodbye. Then one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Quasi sur Énergie Amiens. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne. C'est ce qu'il se disait quand il faisait des plombages. Je voudrais que ça dure 100 ans. On l'écoute dans un instant sur Énergie. Vous gagnez votre séjour en famille au parc Astérix dans le 6-9 sur Énergie. Je verse moi-même 5 euros. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Amir était dentiste avant. Hein. Oui, oui, évidemment. Parce que sinon. Et Marco humoriste aussi. On est à combien d'ailleurs dans cette cagnotte? Oui, non, c'est vrai que c'est pas le jour pour te demander ça. On n'est pas dans le même studio que d'habitude. Pardon, Tiffany. Oui, t'as pas vu sa tête. Hein. Moi, je l'ai vu. Hein. La cagnotte. On met des sous dedans, mais on sait pas encore ce qu'on va faire avec. Peut-être une grosse bouffe avec vous en fin d'année. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Mais on a un beau petit montant pour le moment. Hein. Ah, on est aux alentours de 100 euros. On est pas déjà loin des 100 euros. Oh oui, même bien 120. Ah oui, bah pas mal. Ah bah écoute. Parc Astérix matin, 2 jours, 1 nuit, c'est le séjour et c'est valable pour 4 personnes. Il suffit de vous inscrire maintenant. Les fifous, là, vous envoyez Astérix par SMS au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Astérix au 6018, et on vous envoie voir les deux irréductibles. Bref, les deux Gaulois. Et avec Falbala. Oh là là. Dans le film, c'était Laetitia Casta. Elle avait un push-up. Et ben, dans le parc, c'est Maïté. Oui. Je peux vous dire, mais justement, non, dans le parc, la Falbala. C'est vrai? Po. Et Astérix aussi, il est mignon, il a des petites moustaches. Ouais. Ça fritille. Vous êtes bizarre, les mecs. Hein. Moi, je vais au parc Astérix, je fais les attractions. Hein. Je regarde pas les personnages. Hein. Mais ça, t'es obligé. Oui, parce qu'il passe à côté de toi. Évidemment. Obélix qui passe à côté de toi, comment ne pas le voir? Ouais, c'est vrai. Et j'ai eu pas la honte de ma vie. Moi, j'étais très fier. J'étais dans la file avec les enfants et tout le monde me regardait. Ah, regarde, il y a un adulte qui fait la file pour une photo. Non, j'ai vu une photo, ça m'a trop fait rire. Genre, Neymar, il a été au parc Astérix. Ouais. Il a fait une photo avec Astérix. Mais tu vois, donc Astérix se déguisait, quoi. T'imagines le mec à l'intérieur d'Astérix qui a dû se dire, purée, je suis en train de faire une photo avec Neymar, mais personne m'a cru. Quoi? J'avoue. C'est pas vraiment Astérix. Si, c'est Astérix. Non, mais pleure pas, Marco. Non, allez, viens. Astérix au 6018 pour vous inscrire. Bonne chance. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. It's music. Only. Observons l'agilité de François, plombier, qui tout en serrant un joint, écrit un mail et surveille le chargement de 2 palettes dans son Citroën Berlingo. Un bon utilitaire, c'est comme un bon professionnel. Ça doit savoir tout faire. Pendant les jours pro Citroën, recevez jusqu'à 11 800 euros d'avantage et profitez de 50% de remise sur toutes les options. Offre valable pour les professionnels sur toute la gamme Citroën. Citroën. Conditions sur business.citroën.be.

J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Alvaro Soler avec sa ceinture. Dans un instant, on écoute ça sur Energy. 6h53. Mec, aujourd'hui c'est ta journée. Je pense que tu vas mettre beaucoup d'argent dans cette cagnotte. Non, c'est bon. Et moi je note, attention. Eh ben, tu peux noter zéro pour le moment. On se calme. Nous allons faire un nouveau jeu ce matin. Nous allons jouer à Où suis-je. Et nous allons jouer avec un fifou ce matin. Qui vient jouer avec nous, Tiffany? C'est Jérémy qui travaille comme bagagiste à l'aéroport. Il a un petit bout de chou d'un an et demi. Et pour lui, être papa, c'est un sport olympique. Hein, et il aime l'informatique et les fans d'aviation. En même temps, pour travailler à l'aéroport aussi. Ouais. Oui, si t'as peur des avions, ça n'aide pas. C'est pas. Tu cherches un boulot ? On a besoin de quelqu'un au service technique ici. Peut-être que ça pourrait nous dépanner. Bonjour à toi. Bonjour, c'est Jérémy. Jérémy. Ça va être simple à retenir ça. On en a un dans l'équipe. Comment ça va, mon Jérémy, ce matin ? Oh ben le réveil est assez dur parce que je suis pas habitué à commencer à bosser à ce heure-là, mais ça va. On va essayer de t'offrir du cadeau ce matin, Jérémy. On va jouer à un nouveau jeu, ça s'appelle Où suis-je. En gros, c'est simple. On va avoir des petites cartes et on va décrire une situation, un lieu, un endroit. Et il va falloir trouver où est cette personne. Par contre, Jérémy, je t'annonce, on joue tous. Hein, donc tu joues, mais nous aussi. Hein. Attends, oh, à nous le cadeau. À nous le cadeau ici. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir une bonne réponse, hein, Jérémy. Et donc, vous donnez votre prénom avant de donner la réponse. Oui, évidemment. Sinon, c'est cafouillis, cafouillage. Ok. Jérémy, allez, vas-y, démarre. Tiens. Ok. Allez, je prends une carte. Non. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Je me trouve dans l'hémisphère nord. Je me trouve en Europe. Le Père Noël? Non. Je suis Père Noël en Europe. Où suis-je? Ah oui, c'est vrai. Je suis une ville d'une beauté incomparable. Ma grand place est célèbre dans le monde entier. Ma verrerie d'art est réputée. Frisco? Oui. Bruxelles? Non. Je me compose de 120 îles. Je ne possède pas... Marco? Le Portugal? Non. Frisco? Oui. La Grèce? Non. Allez, Jérémy, t'as une petite idée? Non, aucune, rien. Attention, ça va aller vite. Je ne possède pas moins de 177 canaux. Je suis la reine de l'Adriatique. Marco! C'est moi. Venise? C'est Venise. Mais oui! Pas de réponse. Désolé, Jérémy. Mais je suis gentil, je t'offre mon point. Je suis généreux. Allez, tiens, Frisco, prends une carte. C'est parti. À toi de nous faire deviner où tu es. C'est le où suis-je? Frisco est quelque part dans le monde. À nous de deviner où il est. Je suis un bâtiment célèbre. Ah. Je me trouve dans l'hémisphère nord. Encore? Ouais, je suis le cœur de la cité. Enfin, je peux dire qu'il est dans l'hémisphère sud, mais tu trouveras pas. Je suis le cœur de la cité. Je me dresse sur une île au milieu d'un fleuve. Un roman a immortalisé mon sonneur de cloche. Moi, Aurélie, c'est Notre-Dame de Paris. Bonne réponse pour Aurélie. Mais oui. Et j'offre mon point aussi. Oh, hey, t'es pas mal, Jérémy, ce matin. T'as 2 points hey, en faisant rien. C'est génial. Vous êtes bien généreux ce matin. T'as pas pété un mot. Allez, tiens, j'en fais un vite fait avant d'écouter la Sintou là de Alvaro Soler. Je suis un pays. Ma monnaie

Les femmes sont l'avenir du numérique. Tu me crois pas? Wallonia Wonder Woman, action. Parce que c'est vraiment l'avenir, c'est intéressant. Ça n'a pas de limite et on peut travailler dans n'importe quel domaine. Se mettre la barrière de « bah non, moi je suis une fille, les filles elles font pas ça ». C'est pas vrai. Tout le monde devrait faire du numérique. Wallonia Wonder Woman, première. Découvre leur parcours de ouf sur digitalwallonia.be/woman. Digital Wallonia, nous transformons la Wallonie. Il est 7h01, bienvenue. La foire au vin chez Cora, avec plus de 600 références, c'est LA référence. La foire au vin, jusqu'au 29 octobre chez Cora. Ou sur corawine.be, à déguster avec sagesse. Dans un instant, James Arthur, avant ça, voici la météo pour aujourd'hui. On aura des nuages ce matin, mais les éclaircies vont rapidement revenir à partir du sud du pays, côté température entre 15 et 20 degrés. On s'informe, l'actu de ce jeudi 4 octobre avec Aurélie Adam, bonjour. Bonjour, la Wallonie a son code du bien-être animal. Le texte a été voté hier. Dorénavant, la maltraitance animale sera punie plus sévèrement. En cas d'infraction, les peines pourront aller jusqu'à 15 ans de prison. Côté amende, ça pourra aller jusqu'à 10 millions d'euros. Précisons encore qu'il est dorénavant obligatoire d'avoir un permis pour détenir un animal. Les écoles auront plus de moyens pour aider les enfants qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement. C'est ce qu'a décidé la Fédération Wallonie-Bruxelles. Concrètement, pour chaque enfant difficulté, les écoles pourront bénéficier de moyens humains complémentaires pendant 24 mois pour renforcer l'apprentissage du français. On passe au sport. En football, Bruges n'a vraiment pas fait le poids face à l'Atlético Madrid hier lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois se sont inclinés 3-1. Enfin, toujours en football, on joue la deuxième journée de l'Europa League ce soir à 18h55. Anderlecht reçoit le Dynamo Zagreb. À 21h, le Standard fait face au Turc de la Kizarspor. Et puis, au même moment, Genk affronte les Norvégiens de Sarpsborg. Jeudi 4 octobre, aujourd'hui on démarre la journée tous ensemble avec le 6-9 à fond. On est là, bonjour! Bonjour! Toute l'équipe est là, il y a les fifous du matin qui sont là aussi sur Instagram. Venez nous rejoindre, hein. C'est oui. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour venir sur Instagram tout simplement. On est à combien ce matin? On est à 7636, moi c'est beau ça. C'est beau! Oh oui, on sera à 7700 aujourd'hui, ça peut être beau, c'est un beau chiffre ça. Ouais! Si vous nous faites même un 7777. Oh! Alors là, on est. On peut faire tout ça un vœu. Là, c'est la fête. Ouais, ça veut dire qu'on a 4 chiffres alignés. C'est génial. les fifous du 6-9 sur Énergie, tout simplement pour nous retrouver. Et vous venez vous abonner, comme l'a fait Sacha. Tiens, à l'instant, il y a Flavio aussi qui est arrivé. Paolo, il y a Nenki aussi. Coucou Nenki. Sympa Nenki comme. Ouais, à fond. Comme pseudo. Je trouve ça mignon. Il y a Pauline. Coucou Pauline. Bisous Pauline. Il y a Maëva avec ses lunettes. Maëva. Oh, mais c'est un filtre Snapchat. Oh, quelle mignonne. Il y a Sacha aussi, Yasmine, Victoria. Bonjour, Victoria. Il y a Susanna aussi, il y a. Loïc. Bijoux les copains. Florence. Voilà. Oh, salut, Florence. Flo. Oh, sympa les deux filles là, Florence, avec ta copine. Dis Marco. Non, dis. Ouais, quoi, faut dire quand c'est joli. Oui, Big mais... Flo et Oli aussi. Ah, bah c'est sympa les gars, bienvenue. Merci les gars. Elodie, il y a Kiara. Enfin bref, voilà, tout le monde est là. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. Et franchement, si vous nous faites ça aujourd'hui, un 7777. Je sais pas ce que je fais, je crois que je danse la karaoke dans la rue, j'en sais rien, mais je fais un truc. Je sais pas ce qu'ils ont les mecs, mais en tout cas, il y a que des filles qui nous rajoutent. Les mecs, vous êtes endormis ou quoi? J'avoue, il y a que des filles. Les fifous du 6-9 sur Énergie sur Instagram pour nous retrouver. Les copains, dans un instant, on va parler bouffe. Ah, ça, voilà quelque chose d'intéressant, enfin. On va parler de la pâte à tartiner bien célèbre. Ah, encore plus. La pâte à tartiner. Ouais, la pâte à tartiner très célèbre. Nutella quoi. Et on va parler d'M&M's. Voilà. Ah, ben deux. Oh, je suis heureux. Allez, c'est quand? Deux ingrédients que t'aimes bien. Juste après James Arthur. Ah, ça va alors. Ça va, tu vas tenir le coup. Ça va. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody else. They love you like nobody else. And I hope you give you something real. Oh, I love you still. But you deserve better, better, better, better. Give up on me, cause babe, I'm hopeless. The more it hurts, the more you try. You know I loved, I just never showed you. It'll be too late when you're with some other guy. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody. Jason Derulo avec Goodbye, c'est ce qui arrive pour la suite des dans la playlist énergie. 7h08, on va parler de bouffe. Je suis désolé. Non, mais moi ça me va. Hein. Honnêtement, moi ça me va. Ah, ça va vous donner envie de prendre le petit déj plus rapidement que prévu. Vous avez même changé vos habitudes. Hein. Là, si vous allez rentrer dans la douche, vous allez dire non, je vais petit déjeuner maintenant et je prendrai la douche après. mais c'est sûr. On va parler de plaisir coupable et notamment de M&M's qui a eu une idée de génie. C'est-à-dire de sortir les M&M's au goût Nutella. Mais non. Ah, oh, oui, messieurs, terrible. Ça va bientôt débarquer. Je vais tomber de mon sus. Ça se dit, ça? Ouais, c'est-à-dire tomber dans les vapes. Ah, Charles-Roy, t'as jamais vu dans le Skinex tomber de son sus? T'as jamais vu? Je connaissais tomber de la chaise, mais... Alors, vous l'avez peut-être pas remarqué, parce que c'est pas disponible en Belgique, mais on peut déjà trouver des M&M's au goût Oreo. Au goût cacahuète, ça j'ai envie de te dire, c'est un peu logique. Au goût cheesecake, au goût amande, au goût mocha, orange, framboise, cerise ou même au goût citrouille. Citrouille. Oh, ouais, M&M citrouille, à quoi ça sert? Alors, en Belgique, la date avancée donc pour ce M&M au goût de Nutella, ça se situerait dans l'année 2019. Pas tout de suite, mon Frisco. Il va falloir patienter un petit peu. Mais où c'est en vente comme ça? Et je vais dans le pays. Lui va se faire un kiff. Ce soir, il s'achète un paquet d'M&M et il va le tremper dans le Nutella. Rien que pour voir le goût que ça pourrait avoir. Eh ben ouais. au lieu de manger des Kellogg's, il va se faire un bol d'M&M's et au lieu de mettre du lait, il va mettre du Nutella. Eh ben c'est pas une mauvaise idée. Bref, merci. Après crise de foie, mais... Ouais, c'est ça. Merci M&M's de nous avoir inventé un nouveau plaisir coupable. J'ai envie de parler de ça avec vous ce matin, les plaisirs coupables, les guilty pleasures, comme on dit. Ouais. On en a tous un, hein. Ne dites pas non, et que ce soit de la bouffe ou autre chose, hein, vraiment. C'est vrai. Tiffany du Standard, c'est quoi? Regarde-moi ça, c'est tiré où? Qui c'est quoi mon petit plaisir coupable? Ça va parler bouffe. Donc moi, mon petit plaisir coupable, c'est quand je suis installée devant la télé, j'aime bien me faire un bol de glace stracciatella avec des petits morceaux de fraises, de la crème fraîche au-dessus, et alors à côté de ça, je me prends un petit cacao, pareil, avec de la crème fraîche au-dessus, un petit peu de poudre de cacao sur la crème fraîche. Ouh, et là, je suis aux anges. Alors, moi, j'ai une question existentielle. Tu mets ça où? Parce que... Non, mais je sais pas si vous avez déjà vu Tiffany, mais elle a un corps quand même plutôt pas mal. Hein. Ah ouais. Elle est bien gaulée, la meuf. Elle est quand même... Sans déconner, tu l'envoies où, la Stratchatella? Comment ça se passe? Ça va? Ah non, mais je zappe leur pas et je fais ça. Hein. Ah oui, c'est génial. Ah oui, mais oui. Allez, on retire la dinde, on retire les pommes de terre et on fait une Stratchatella, c'est normal. Bah, après ça, t'as plus faim, je peux te le dire. J'espère bien. Après ça, j'ai encore faim, je me fais une bouillabaisse. Jérém, ton plaisir coupable, guilty pleasure. Moi, ça n'a rien à voir avec la bouffe, mais il y en a peut-être qui vont se reconnaître. C'était pendant les examens, ouais. Je regardais Roland Garros. Ah oui, bah oui. Ah bah oui, évidemment. Et alors, c'était mon guilty pleasure, parce qu'évidemment, il fallait aller étudier, mais t'avais un match de fou à la télé. C'est ça. Et je me disais, allez, après le jeu, je vais étudier. Et puis le jeu se terminait, et puis je disais, oh non, je vais regarder le set, parce que c'est bientôt la fin du set, je sens qu'il va l'avoir, il va gagner le match. Évidemment, il perdait le set, donc le match continuait, et puis pour finir, je regardais deux heures la télé. Tu sais qu'il y a mon bof qui prend des congés, hein. Qui ça? Mon beau-frère, qui prend des congés pour Roland Garros. C'est vrai? Ouais, je te jure. Il est incroyable. Il prend 15 jours pour pouvoir regarder Roland Garros tranquillou, bilou, quoi. C'est génial. Et puis par contre, après avoir regardé le set ou le jeu, comme tu dis, tu te dis, bon, bah, allez, je vais étudier. Tu passes 10 minutes devant ta feuille et puis tu te dis, bon, je me ferai bien une petite pause. C'est vraiment ça. Je me ferai bien un petit FIFA. Voilà. Frisco. Ah. Ouais, non, attends, patiente, parce que toi, je sens qu'il y a une liste très longue. Aurélie de la Rédac, plaisir coupable. Alors, moi, c'est comme Tiffany avec ses pralines, c'est les Ferrero Rocher. Quand j'en mange un, j'ai du mal à pas en manger deux, trois. Ouais, quatre. Ce qui est drôle, c'est que moi, en fait, j'ai tous vos guilty pleasures réunis. Et j'ai une info sur les Ferrero Rocher. Ils ne vendent pas les Ferrero Rocher pendant l'été dans les magasins. C'est vrai? Je vous jure, l'autre fois, je voulais offrir une boîte de Ferrero Rocher à ma belle-maman. Et je cherche, et en fait, ils retirent ça des magasins et ça revient au mois de novembre pour les fêtes, en fait. Oui, c'est un octobre, novembre, ça revient. Ils devraient appeler ça Ferrochette, en fait. Ouais. Et moi, j'ai une astuce. Je connais un monsieur qui travaille dans l'usine qui fabrique. Non. Ouais, alors j'en ai toute l'année. Bah dis, tu pourras en ramener Aurélie. Hein, je les ai déjà mangés. Ouais, c'est ça quoi. Grosse bouffe ici direct. Yo. Bon allez, on y va, c'est parti Frisco, la liste du guilty pleasure. Non, je vais en retirer un parmi tant d'autres. Le moelleux au chocolat. Alors, oh, le moelleux au chocolat. Là. Tu vas au resto, le moelleux au chocolat, tu te dis, il y a toujours de la place pour un moelleux au chocolat. Et il y a toujours le moelleux au chocolat sur la carte. Mais le truc, c'est que je me sens tellement coupable de prendre un dessert alors que les autres n'en veulent pas. Et donc, ils sont là, mais vas-y, prends ton moelleux. Et là, tu fais, mais non, mais en fait, j'ai pas faim. Alors que si, j'ai faim et que je veux le manger. J'ai une bonne excuse, hein. Tu dis que le plat était pas super et que t'as pas envie de terminer sur une bonne. T'as envie de terminer sur une bonne note. Et je le ferai la prochaine fois. Merci. Tu viens de ta plat. On parle de ça avec vous ce matin. Dites-nous, c'est quoi vous votre guilty pleasure, votre plaisir coupable? 0800 23 456. C'est gratuit pour nous appeler. Et le 3018. Girl, I'm down for your love. light skin. I pull up on them, let them put the pipe in. But then I gotta dash like a hyphen. I bring the cake, let them lick the icing. Some little open toes through it, white men. Advising, I got yes, this Tyson. None of you hoes will ever see my pen. Why you sell Nikki boot just to drive in? The way my foot pulled, just give me the Heisman. Touchdown. Cause it's time to say goodbye. Yeah. J'avais grillé. Papi chulo. Papi bengami, bengami. Ça y est, Marco fait des remixes. On est pas mal barre, hein, je vous le dis. On est mal. Slimane Vita à suivre. On parle des plaisirs coupables ce matin. On va poursuivre avec des choses. La phrase, je vous la lis, c'est « Ils auraient dû y penser avant ». On va faire des mix et on va surtout vous dire des marques qui ont pensé à faire des mix, genre comme là, M&M's Nutella. Ah oui. C'est énorme. On parle avec vous de ça ce matin. Et puis, je vous rappelle aussi qu'on vous envoie du côté du Parc Astérix. Vous gagnez votre séjour en famille au Parc Astérix dans le 6-9 sur Énergie. Hey, Parc Astérix pour aller voir tous les Gaulois, les irréductibles Gaulois qui sont là-bas. J'adore cette chanson derrière, là. Ouais. Avec la nouvelle attraction Osiris qui est une pépitas turitas. Et Pégase Express. Et Pégase Express qui est aussi pas mal. Je l'ai pas testé celle-là, mais en voyant les vidéos, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Il y a Peur sur le Parc là qui arrive pour la Toussaint, pour les vacances de la Toussaint. Ça peut être l'occasion. Ça commence samedi, hein. C'est vrai ? Ah, déjà, bah, ils sont très chauds. Pour Halloween, et croyez-moi, ils mettent le paquet. Ils redécorent tout le parc. Il y a des nouvelles attractions qui sont là uniquement pendant la période d'Halloween, pendant la période de Peur sur le Parc. Si vous voulez y aller, ça tombe bien, on a un séjour pour 4 personnes de 2 jours, une nuit. Vous y allez quand vous voulez, c'est valable jusqu'à fin 2019. Vous allez à l'hôtel, soit les 3 hiboux ou la cité la suspendue. Bref, c'est le package total, 2 jours, une nuit pour 4 personnes. Vous voulez gagner ça ce matin? Oui. Petit cunning. Mais tu sais pas comment faire. Marco va te le dire. Vous envoyez Astérix par SMS au 78, Astérix au 6018. On vous souhaite bonne chance et on vous appelle à 9h pour vous offrir votre séjour. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist Énergie, inspirée par vous. Aldi et ce que certains en disent. Il y a des connaisseurs qui disent « Moi, je suis un fin gourmet, je ne veux que le meilleur. Qu'est-ce que j'irai faire chez Aldi ?» Ah, les connaisseurs. Ils sont visiblement pas au courant que beaucoup de nos produits font au moins aussi bien que les grandes marques dans des dégustations à l'aveugle. Notre jambon artisanal, par exemple, il a même été élu maître achat par Testachat. Toujours pas convaincu? Découvrez les résultats de tous nos tests sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, comparez-vous-même. Aldi, aussi bien que les grandes marques. Je comprends pas que tu puisses rester aussi calme là. T'as vu ce qui nous attend? On va crouler sous le boulot là. Ah, mais je m'en fais pas. J'ai quelqu'un sur qui compter. Ouais. Quelqu'un qui est toujours là pour moi. Qui me soutient en cas de problème. Qui m'écoute et me comprend au quart de tour. Tiens, ça va lui faire plaisir que je l'appelle. Ouais, ok, mais elle sait conduire un Clark, ta mère? Ma mère? Ah, bah non, c'est Julie que je vais appeler. Ah! Mais oui, Julie, de chez Tempo Team. Ok. L'expérience, tout le monde veut travailler avec Tempo Team. Découvre tous nos jobs près de chez toi sur tempoteam.be. Tempo Team! Devenez love d'Orange et recevez un Google Chromecast pour seulement 19€. Vous pourrez alors streamer facilement vos films et musiques préférées de votre smartphone vers votre télé. Orange. Conditions sur orange.be. Les gamers, vous avez dû attendre longtemps, mais la Game Force est de retour. Le Neckeral sera complètement rempli de nouveaux jeux, du nouveau matériel informatique, des offres super pour ceux qui veulent faire de bonnes affaires, de beaux prix, des compétitions e-sport impressionnantes et des cosplays fantastiques. Venez y faire un tour et y jouer. Game Force, la grande messe annuelle du jeu vidéo en Belgique, les 13 et 14 octobre, au Neckeral à Malines. Oh là là, c'est trop bien ça! Oh, j'y vais! Allons-y! Avec énergie! Les bonnes affaires du week-end sont chez Monsieur Bricolage. Les 5, 6 et 7 octobre, moins 15% sur tout. Rendez-vous chez Monsieur Bricolage.

Perry, on va écouter ça dans un instant. 7h25 sur Énergie. On parle des guilty pleasures ce matin, les plaisirs coupables. On en a tous. Hein, évidemment. À plus grande ou moins échelle, hein, en fonction de chacun. Comme Frisco, par exemple. le M&M's goût Nutella qui va sortir. Et c'est pour ça qu'on parle de vous avec, on parle de ça avec vous ce matin. Alors, ils auraient dû y penser avant. Certaines marques ont fait aussi des beaux mélanges, mais sorti un peu sur le tard quand même. Hein. Si je vous dis le Milka Oreo. Oui, mais moi j'aime pas Oreo, ouais. Donc ça me dit rien en fait. Ah si, moi, l'Oreo. Bah, excusez-moi, désolé les gars. Hein. Ah si, moi je. Ah je... si, ma soeur m'en a parlé, j'ai direct été acheté. C'est trop bon. Une tuerie. Trop bon. Il y a le McFlurry Crunch ou le McFlurry M&M's évidemment, chez McDo. Ça me parle. Ça lui va. Il y a des glaces au Ferrero Rocher. Oui, j'avais vu ça. Chez Australienne, tu peux trouver même quasi tous les goûts. Hein. Il y a les glaces Kinder aussi. Ouais. Oh, la glace mais Schtroumpf. En Italie, mec, il n'y a que ça, il y a des trucs. C'est vrai. Mais laisse tomber. Oh avec là des bouts de Bueno. Hein, oh, là. Oh là là. Bon, et moins bon, c'est la glace au Philadelphia. Oh non, elle existe. Elle existe, les non, copains. Non, mec. Ah, mais attends. Ça doit être dégueulasse. Bah, oui, parce qu'on parle de glace, ils ont fait une glace à la mayonnaise et une glace au ketchup aussi. Non, mais c'est pas possible. J'ai des relents. Le coca vanille, j'adore moi ça. Le coca. Super bon. Moi j'aimais bien à l'époque, c'était le coca citron. Oui. Ils en font plus maintenant. Alors, non, mais le coca vanille est très dur à trouver aussi. Hein. Ouais. Il se vend pas partout parce qu'il a pas bien marché en Belgique. Il y a le coca cherry à la cerise, ça c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est bien des sucres. Hein. Tu bois un coca comme ça, t'es diabétique après. Tu bois un coca tout court, entre guillemets. Les frites cookies. Hein? Ouais. Je sais pas, il y en a qui ont pété les plombs. En tout cas, nous, on pourrait aussi inventer des trucs sympathiques. C'est une possibilité. Les préservatifs au Nutella. Pourquoi pas? Pourquoi? Enfin, moi, ça me change rien. De oui. C'est bizarre que ça vienne de toi, Marco. Mais... Une objection? Personne? Eh ben on va inventer ça. Les raisins pastèques ou les raisins melons. C'est-à-dire que c'est un raisin, donc c'est une petite boulette, quoi. Ok. Et à l'intérieur, c'est du melon. Ah, mais moi j'achète. Toi, tu te galères pas à couper le melon ou à couper la pastèque, tu vois. Ah oui, en plus, la pastèque, c'est chiant à couper et tout. Mais t'en mets toujours partout. T'en mets toujours partout. Ouais, mais c'est parce que toi, t'es pas propre. Non, mais si. Genre, toi, t'en mets pas partout, Frisco. Non, mais moi, je lèche après. Tu lèches la table. On parle des plaisirs coupables ce matin. Dites-nous, vous aussi, quel est votre plaisir coupable, votre guilty pleasure. Vous nous dites ça par SMS au 3018, c'est 25 centimes le message, ou vous nous appelez, hein, notre numéro de téléphone, et c'est gratuit. Le 0800-2-3-4-5-6. On parle avec vous de ça dans un instant, on lira vos messages, etc. Ça va être très, très sympa. Les 7 questions de la mort qui tue, ça arrive. Du cadeau à la clé, les copains. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go 7h30 sur Énergie, voici un point pour la météo d'aujourd'hui. Et on aura des nuages ce matin, rassurez-vous, ça ne va pas durer puisque les éclaircies seront de retour dans le courant de l'après-midi. Côté température entre 15 degrés en Haute-Fagne et 19 à 20 degrés partout ailleurs. 7h30, on s'informe, l'actu de ce jeudi 4 octobre et c'est avec Aurélie Adam, bonjour. Bonjour, voilà qui interpelle un élève sur quatre. Quittera l'école sans savoir lire correctement. C'est ce que révèle l'association Changement pour l'égalité. Association qui a analysé les chiffres issus d'enquête PISA. Il en ressort qu'à 15 ans, 24% des jeunes ont un niveau de lecture insuffisant. Pour l'association, ces jeunes auront plus de difficultés pour se débrouiller dans la vie. Ça veut dire qu'ils auront plus de mal pour déchiffrer une notice de médicament ou encore déchiffrer un horaire de train. La ministre de l'Enseignement, Marie-Martine Schintz, est consciente de la situation. Avec son pacte d'excellence. Elle espère renforcer l'apprentissage de la langue, des maths et des sciences notamment. Le code du bien-être animal arrive en Wallonie. Le Parlement a approuvé le texte hier. Dorénavant, la maltraitance animale est punie plus sévèrement. En cas d'infraction, les peines peuvent aller jusqu'à 15 ans de prison. Côté amende, ça pourra grimper jusqu'à 10 millions d'euros. Précisons que l'identification et l'enregistrement des chiens et des chats devient obligatoire. Et puis, il faudra avoir un permis pour détenir un animal. Une action est en cours devant les centrales de Tihange. Le syndicat national du personnel de police et de sécurité organise une action symbolique. Il proteste contre le remplacement des militaires par des agents de sécurité alors qu'il manque du personnel. Attention, si vous prenez l'avion, écoutez bien ceci, Ryanair change ses conditions générales de vente. Ça fait déjà grincer des dents. Il faut dire que la compagnie aérienne impose à ses clients de renoncer à des poursuites judiciaires dans leur pays. En bref, en cas de litige, il faudra porter plainte en Irlande. La cour de cassation a été saisie chez nous, mais il faudra plusieurs mois pour connaître le verdict. On passe au sport. En football, Bruges n'a pas vraiment fait le poids face à l'Atlético Madrid hier lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois ont perdu leur match 3-1. Enfin, toujours en football, on joue ce soir à la deuxième journée de l'Europa League. À 18h55, on a Anderlecht et Dynamo Zagreb. Et puis à 21h, on a Standard Akhisar Sport et Genk Sarpsborg. L'info énergie. Et oui, c'est comme ça tous les jours aux alentours de 7h30, une petite info énergie positive. On parle de quoi ce matin? Vous aimez voyager? Évidemment. Évidemment, oui. Peut-être qu'un jour vous irez en Lituanie. Peut-être. Eh bien, si vous avez envie d'un jour partir en Lituanie, soyez bien attentifs parce que il y a une nouvelle législation qui a été adoptée. Et en fait, téléphoner en rue, ça sera pas bien. Et surtout, traverser avec son téléphone à l'oreille, ça sera encore moins bien. Quoi ? Mais enfin. Même ça, on ne pourra plus faire ? Oui, les piétons, en fait, les piétons ne pourront plus du tout utiliser les téléphones à partir du moment où ils seront sur le passage pour piétons. Et ben, si tu le fais quand même, 40 euros. Hein. C'est incroyable. Attends, Gégé, je te rappelle, je traverse. Ouais, donc je te disais, Gégé, attends, je te rappelle parce que j'ai encore un passage. Et ils ne sont pas les seuls. Hein. Il n'y a pas que la Lituanie. Il y a par exemple Honolulu qui a aussi... C'est au States. Hein. Voilà, c'est Hawaï, c'est l'état d'Hawaï. Eh bien, là aussi, tu ne peux pas téléphoner et traverser une rue en même temps. C'est pour la sécurité. Mais tu peux te filmer en train de surfer. Ouais. Ça va, mais tu peux pas. C'est un peu absurde. Bah c'est comment récolter aussi des sous relativement facilement. C'est étrange que la Belgique ait pas pondu ça, tiens, c'est bizarre. Attends, ça va arriver. Nous, on va aller encore plus loin, nous, je suis sûr. Ouais, on va trouver ça. Un truc, tu peux appeler que quand tu traverses. Ouais, j'ai que 10 secondes, je te le dis vite fait, va chercher les pommes. Attends, je dois raccrocher, j'arrive au bout du passage. On m'a dit que les patrons d'autres radios écoutaient le 6-9 sur Énergie. Eh ben qu'ils les prennent chez eux. Eux, ça leur rend service, et nous, ça nous débarrasse. Mais oui. Ouais, on va juste changer. Nous, on reste ici, mais on vous envoie le service technique. Voilà. Ou alors, on veut bien prendre le service technique de notre radio, ou n'importe quoi. Vous êtes informaticien, vous cherchez un emploi ce matin, appelez-nous. On a ce qu'il vous faut. Jonas Blue, on écoute ça maintenant, le 6-9 est là. Bonjour. Bonjour. 7h35, on joue aux 7 questions de la mort qui tue après. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom. what they don't know. No, no, no, is we don't get. We're going keeping on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Sur Énergie, bonne matinée avec nous, George Ezra, qu'on va écouter dans un instant avec Shotgun. Avant ça, comme tous les jeudis, c'est le rendez-vous, hein, 7h35, on joue ensemble aux 7 questions de la mort qui tue. Qu'est-ce qui se passe? J'ai craqué, monsieur. C'est quoi ce bruit? C'est quoi toi? Ah, c'est mon téléphone, pardon, excusez-moi. C'est une vidéo, pardon. J'en peux plus. Cette question de la mort qui tue, qui vient jouer avec nous ce matin, Tiffany? C'est Corentin qui travaille comme chauffeur poids lourd. Il a une petite fille de 2 ans qui s'appelle Mia et alors il adore le foot. Il est d'ailleurs fan de l'équipe d'Anderlecht. Est-ce que sa petite fille, elle danse? Oh. Elle danse le Mia, boum, boum. Pardon. Allez, c'est bon, allez, 5 euros. Allez, 5 euros, 5 euros pour Tiffany, 5 euros pour Frisco. Enfin, j'ai rien dit. Si, si, tu l'as entraîné, t'as commencé à chanter. C'est toi qui m'as fait un signe, genre je danse, etc. Donc c'est pour ça. Bonjour Julien. Non, c'est Corentin. Bonjour. 5 euros dans la cagnotte pour Marco. Mais que dalle, c'est pas de ma faute, c'est le service technique. On est dans l'ancien studio, je ne vois rien ici. Corentin, bonjour. Bonjour l'équipe. Bonjour. Seul bienvenue ce matin, Corentin. On va jouer avec toi aux 7 questions de la mort qui tue. Et le concept est simple. Il va falloir répondre à ces 7 questions pour tenter de t'offrir du cadeau. Alors, c'est pas toi qui vas jouer, sinon tu peux tricher. Puisque le but est de répondre aux 7 questions, mais après. Donc donner les 7 réponses d'affilée. Il faut tout retenir dans la tête. Vous pouvez jouer aussi ce matin avec nous dans la voiture. C'est assez simple. Il faut pas noter, évidemment. Ne trichez pas, sinon ça ne sert à rien. Oui. Corentin, tu vas devoir choisir quelqu'un de l'équipe pour jouer pour toi. Il y a Tiffany du Standard, il y a Aurélie de la Redac, il y a Jérém ou il y a Frisco. Tu choisis qui, Corentin? Moi, je vais prendre Jérém. Ah, Jérém. J'espère que je vais réussir. L'autre fois, j'ai pas réussi, hein, Corentin. Cette question. Ouais, je compte sur toi, je compte sur toi. Il est avec toi, Corentin. Bah, ouais. Oui, on espère pour toi qu'il va y arriver, Jérém. Comme ça, c'est du cadeau à la clé pour toi, mon Corentin. Cette question de la mort qui tue. Quelle est la couleur du pneu d'une voiture? Pour s'endormir, on compte les. Mais. T'es pas obligé de faire ça à chaque fois. 2 plus 2 plus 1 moins 3. Attends. Ok. Retiens bien le mot que je vais t'épeler. B O U F F O N. Quel est l'animal qui caractérise le logo énergie? Attends. Vite, hein, il reste plus que 20 secondes pour les 3 dernières. Vas-y. Quand tu es myope, astigmate ou. Oh là là là là. Quoi? C'est une minute, mon ami. T'as cru que t'avais toute ta vie ou quoi? Ah! Bravo, allez, vite fait. Quand tu es myope, astigmate ou presbyte, tu portes des lunettes. Et à quelle heure finit l'émission? Voilà. Normalement, c'est perdu, hein. Mais vraiment, t'as... J'avais oublié. Noir. Mouton. Deux. Allez! Toute la tête qu'il a. Noir de mouton. Voilà. Bouffon. Panthère. Oui. Oui. Lunettes quoi. quand t'es astigmate, lunettes. Et le dernier, 9h. Normalement, c'est pas gagné, mais t'as de la chanson, mais de bonne humeur ce matin. Corentin, oui, c'est gagné. Ah ouais, normalement, il faut faire ça en une minute. Hein, j'avais sinon... oublié. Ah ouais, sinon, c'est trop facile. Ouais, Corentin, c'est gagné malgré tout. On t'offre du cadeau, on te laisse choisir. 4 places de ciné. On a notre enceinte Bluetooth with the Bluff. Ou alors, on a la dernière compil énergie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? L'enceinte. L'enceinte. Ouais, très bon choix, Coco. Eh ben, on t'envoie ça à la maison, je t'en repasse, Tiffany. Belle journée à toi, Corentin. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Like a someone, a someone, a someone, a someone. Dinoro, c'est ce qu'on écoute dans un instant sur Énergie. 7h44, du cadeau pour vous. Gagnez votre cadeau ici Paris XL avec Énergie. Eh ouais, la boutique ici Paris XL qui fête ses 50 ans. Oh, mais ouais, bien, c'est bien, bon anniversaire. Hein. Bel âge, bel anniversaire. Oh oui, c'est un bel âge, 50 ans. Attends, 50 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est bête. On vous offre à cette occasion 200 euros de chèque cadeau valable chez ici Paris XL. Vous pouvez les dépenser dans ce que vous voulez. Hein. Bon, en même temps, là-bas, il n'y a pas de rose beef. Hein. C'est des parfums, des cosmétiques. J'aime beaucoup cette boutique. Il y a un très beau choix. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Ils font des chouettes packages aussi, des fois. J'aime bien. Avec gel douche et tout. Ouais, exactement. Et t'as tout pour pas très cher. Ou parfum aftershave. C'est ça. Très sympa. Des petits trucs. Ouais. Ici, Paris XL, fête ses 50 ans, ils vous offrent 200 euros de chèque cadeau avec Énergie. Vous voulez gagner ça maintenant? Allez-y, inscrivez-vous. Vous envoyez les trois lettres NRJ par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. NRJ au 6018. Bonne chance. Ici, Paris XL a 50 ans et ça se fête. Ici, Paris XL, tellement toi. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. I guess you look happier, you do. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. L'interdit, l'interdit, l'interdit. Osez le frisson de l'interdit. Le nouveau parfum. Givenchy. Aldi et ce que certains en pensent. Il y a encore des gens qui pensent les produits de lessive Aldi. Oula, est-ce que mon linge sera vraiment propre? C'est dingue. Ces gens ne savent visiblement pas encore que les produits de lessive Aldi sont le top du marché. Lors de tests indépendants, nos lessives liquides ont fait au moins aussi bien que les célèbres grandes marques, tant pour le blanc que pour le noir et les couleurs. Vous ne le croyez pas? Découvrez les résultats du test sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, faites le test vous-même. Aldi, aussi bien que les grandes marques. Apprenez à combiner sur informazout.be. Pour vous chauffer, vous pouvez combiner le mazout avec un pull XXXXL. Nous l'achetons en hiver pour que toute la famille se mette dedans. Ma femme, elle vient. Mon fils, mamie, moi, et même le petit chat. Ah, il m'a griffé. C'est pas grave. Original, mais combinez plutôt le mazout avec les énergies renouvelables. Découvrez votre combinaison parfaite sur informazout.be. Informazout, chaleur innovante, chaleur d'avenir. Grâce à l'offre d'Orange, j'ai démissionné. Alors, je vous explique. À la télé, ils annoncent qu'il va faire beau. Je poste une invitation VTT. Le lendemain, mes potes arrivent. Salut ! Et boum, l'orage éclate. Oh. Donc on reste à l'intérieur, on joue à la loterie online, et bim, on gagne le gros lot. Ce matin, j'appelle mon boss. Hello ? Pour lui dire que c'est plus mon boss. Merci, Love ! Vous avez tout intérêt à devenir Love. Le all-in d'Orange, avec Internet mobile et fixe, et la télé, en illimité, pour 79€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Mon daron, il like pas les réseaux sociaux, il kiffe pas mon vocabulaire. C'est vraiment un loser. Yo, pupus, on n'irait pas t'acheter des nouvelles choses? Ce serait kiffant d'aller chez Manier Luxus. Mais attention, hein, je l'éduque super bien. TTDR. Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux, aussi sur manierluxus.be. Vous connaissez ça? Vos amis organisent une soirée et le code vestimentaire est casual chic. Bon, alors vite en ligne. Clique chic. Oh non, non, pas si chic. Voilà, clique dans le panier. Livré demain, parfait. Mais au moment de payer, vous vous rendez compte que votre portefeuille avec toutes vos cartes est resté au bureau. Que faire? Eh bien, payez votre tenue ou vos autres achats en ligne super vite avec l'appli Bancontact. Bancontact, et c'est réglé. La zone de basse émission de la région de Bruxelles-Capitale est en place. Pour savoir si votre véhicule a le droit d'y circuler, surfez sur lez.brussels. On prend vos réactions dans un instant. Votre guilty pleasure, votre plaisir coupable. Venez en parler avec nous ce matin. Déjà des messages qui sont arrivés. Il y a Jamal qui nous dit: je demande toujours une double dose chocolat pour Madame Blanche. Ça, c'est un bon plaisir coupable. Évidemment. 30-18 par SMS ou alors vous nous appelez 0800-23456, un numéro gratuit. 10 euros qui arrive. Et là, un point sur les routes, Aurélie. Un objet encombrant toujours sur le 411 à hauteur de l'église en direction de Bruxelles. La bande de gauche est bloquée. Oh le toutou! C'est un gros miaou. Oh le chacha! Sur le 411, vous ralentissez toujours entre Abbey et Sterpenich, comptez une heure en plus. En direction de Bruxelles, sur le 40, ajoutez 34 minutes entre Asseraude et Boulogne-Saint-Etienne. Sur le 411, vous perdez 27 minutes entre Overijse et Oudorgem. Sur le ring extérieur, ça coince entre Genappe et Oudorgem, vous perdez 29 minutes. Et puis sur le ring intérieur, ajoutez 18 minutes entre Wautier-Bren et Usingen. This is why. 7h51 sur Énergie. On parle des plaisirs coupables ce matin, les guilty pleasures. On en a tous. Hein. Ouais. Oh oui. Oh putain. On parle de ça parce qu'il y a M&M's qui a décidé de sortir les M&M's au goût Nutella. Ça va être une pépite, je vous le dis. Ça sort en courant 2019 en Belgique, normalement, si tout se passe bien. Vous savez bien, hein, c'est toujours les ricains d'abord et nous après. Hein. Ouais, évidemment. Ils sont les bêta-testeurs. Oui, c'est ça. Comme ça, si c'est pas bon, c'est bien. On aura une meilleure recette pour nous. Des messages qui arrivent aussi. Il y a Fabien qui nous dit au 38 le Nutella à la cuillère. Oh, ça, mon ami. Ouais. Sacré guilty pleasure, vraiment. Qui est avec nous ce matin, Tiffany? C'est Laetitia et Antonin. Alors, on Laetitia, va... Laetitia, qui, elle, son plaisir coupable, c'est le gâteau chocolat courgette. Merci Laetitia, au revoir Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Sois la bienvenue dans le 6-9, Laetitia, ce matin. Ton guilty pleasure, donc c'est... Attends, j'y prends... C'est quoi, la tarte, quoi? Non, c'est le... Vas-y, oui, Laetitia, oui, dis-nous. Un gâteau au chocolat et courgettes. Courgettes. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le gâteau au chocolat, Laetitia, les courgettes? Ça remplace le beurre. Ah, je savais pas ça. Ouais, mais déjà les courgettes c'est pas bon à la base. Mais du coup, attends, j'adore. Si. J'ai une question, c'est est-ce que ça a le goût de la courgette ou c'est pas du tout? Pas du tout. Ah mais alors ça c'est super intéressant. Ça remplace le beurre, c'est-à-dire que ça vient juste pour la matière grasse, quoi. Ça ne goûte pas la courgette. Exact. Non, pas du tout. Eh ben, j'apprends un truc là. Ah, moi aussi. Ah, franchement, j'aurais jamais pensé à ça. Tu sais que moi, j'ai déjà entendu parler qu'on pouvait faire du gâteau au chocolat avec de la betterave. Et ça aussi, ça remplace, je sais pas trop le quoi. Le sucre. Mais j'en sais rien. Mais je sais pas quoi. Je sais pas trop quoi, mais en tout cas, on peut faire aussi avec de la betterave. Sans déconner, nous invite jamais à manger, on viendra pas. Ouais, clairement. Les gars, j'ai mis de la carotte, ça remplace, je sais pas trop quoi. Voilà. J'ai vu ça sur Marmiton, c'est super sympa. Eh ben, Laetitia, merci, on a appris un truc ce matin. Mais de rien, avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux, on te souhaite une excellente journée, Laetitia. Bisous avec à toi. Merci beaucoup. Bisous. Guilty pleasure. À bientôt. On aime beaucoup de plaisir. À bientôt, Laetitia. Bisous. Qui d'autre est là aussi? À bientôt. Aussi c'est Antonin. Arrête de manger. Je mange pas. Bonjour, c'est... Antonin. Bonjour, je t'adore. Ça va bien, Antonin? Oui, très bien, merci. Eh bien, sois le bienvenu, Antonin, ce matin dans le 6-9. Quel est ton guilty pleasure? Alors, moi, il y en a deux, c'est la glace au chocolat blanc et la glace à la violette. La glace à la violette? Ah, ça, ouais, ça peut être pas mal, hein, ça. Ça. Oh, non, ouais, ça. Et au chocolat blanc aussi, c'est vraiment. Alors, ça, oui, ça, je veux bien. Mais c'est... Alors, ça, par contre, qui fait ça? La glace au chocolat blanc? Oui, donne la marque, je veux bien, moi. Alors là, c'est une bonne question. Moi, c'est un ambulant qui passe par la maison. À chaque fois, je prends des millilitres, donc. Ah ouais, en plus, il se fait livrer, monsieur. Mais les gars, mais ça, mais ça. Mais non, c'est génial, le petit camion. T'entends la musique et tu cours. Ouais, mais il passe jamais l'hiver. Mais c'est un peu logique. Il est bête. Attends, moi le petit camion, je l'entends au loin, mais quand il passe dans la rue, il fait pas la musique, alors on le loupe à chaque fois. Moi j'ai l'impression que le camion il se transforme et l'hiver ça devient vieux fer. Non, moi je veux mes glaces. Ah là là. Eh ben merci beaucoup d'être passé. En tout cas, c'est vrai que la glace au chocolat blanc, pas mal. Quoi. C'est pas mal, franchement. Ah ouais, ça me botte bien, ça me donne envie. Je pense qu'il en mange des litres. La violette, je vous la conseille en tout cas. Violette, eh ben ouais. Moi, ça me donne envie. C'est... Oui, moi aussi j'ai envie de glace. Ouais, on va manger une glace ce midi. Je pense. J'ai envie de sucer là. Eh ben merci beaucoup d'être venu ce matin. Ben, merci à vous. On t'embrasse, à bientôt. Voici Aya Nakamura avec Dja. Pourquoi vous détournez tout? C'est incroyable. Mais on a rien. J'ai rien pensé à rien du tout. On parle de glace. Aya Nakamura. J'entends des bails trop sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi. On got on a baby to the top. On got on a baby. On got on a baby. Oh, ja ja. Oh, ja ja. Oh, ja ja. Jane, on écoute ça dans un instant sur Energy, 7h58. Vous gagnez votre séjour en famille au Parc Astérix dans le 6-9 sur Energy. On vous offre votre séjour, deux jours, une nuit pour quatre personnes au Parc Astérix. C'est à gagner maintenant les copains. Ouais. Vraiment, inscrivez-vous, vous envoyez Astérix au 6-0-1-8. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Astérix au 78. Et on vous offre votre séjour ce matin pour aller en famille ou entre amis aussi. Ben oui, clairement, tu peux aller avec des potes ou avec deux couples, tu vois. Et alors, attendez, un couple, tu vas avec un autre couple. Je l'ai dit hier, mais je le répète, hein, si vous êtes seul, on vous donne votre chance aussi. On est trois, Frisco, Jérémy et moi, on vient avec vous. Ouais, voilà. Désolé les filles, mais. C'est ça. On va s'amuser, nous. Pairez vos places. Parc Astérix au 6-0-1-8, 100 euros le message envoyé reçu. Bonne chance. Letting me play with drugs when I was younger. And then you went on to say, how will I break this news to your mother? Change forever, right? Oh, I can't live a lie. You say, why can't it be a man? Why can't I learn to live in God's plan? Cause two women aren't supposed to kiss an old hand. Do you remember when you told me, Daddy, if they don't understand me, then don't go changing who I am just cause it makes them happy. Oh, we got to hold on. Nos clients savent pourquoi ils font leurs courses chez Colruyt. Aquarius, Ajax, Ariel, Bertolli, le pesto surtout. Bonnie, c'est bon. Campina, Côte d'Or, évidemment. Chez Colruyt, vous profitez toujours des meilleurs prix pour toutes les marques de A à Z. Le Yakult pour le matin. Zouane et du Zagazou. Colruyt, les meilleurs prix pour chaque produit à chaque instant. Colruyt, pour moi, c'est le meilleur. Au niveau prix et au niveau qualité. 8h01 sur Energy, bienvenue. And you're listening to Energy. La La foire au vin chez Cora, souvent copiée, jamais égalée, et ce ne sont pas de vains mots. La foire au vin jusqu'au 29 octobre chez Cora. Ou sur corawine.be. À déguster avec sagesse. Dans un instant, c'est le retour du duel énergie comme tous les matins à 8h05. Avant ça, un point sur la météo avec Aurélie. On a des nuages, mais rassurez-vous, ça va pas durer cet après-midi. Retour des éclaircies, côté température entre 15 et 20 degrés. On s'informe l'actu de ce 4 octobre, jeudi, et c'est avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, attention si vous prenez le train. Le trafic est interrompu entre Liège et Louvain sur la ligne à grande vitesse. En cause, un vol de câble à hauteur de Hanu. Les trains sont déviés sur la ligne classique. Du coup, il faut s'attendre à des retards, voire à des suppressions. Les travaux de réparation sont en cours. Un élève sur quatre quittera l'école sans savoir lire correctement. L'association Changement pour l'égalité a analysé les chiffres issus d'enquête PISA. Il en ressort qu'à 15 ans, 24% des jeunes ont un niveau de lecture insuffisant. Pour l'association, ces jeunes auront davantage de difficultés pour se débrouiller dans la vie. La solution de la ministre de l'Enseignement, c'est le pacte d'excellence. On passe au sport. En football, Bruges n'a pas fait le poids face à l'Atlético Madrid hier lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois se sont inclinés 3-1. L'Atlético doit sa victoire à Antoine Griezmann qui a signé un doublé et une passe décisive. Enfin, on a encore du foot ce soir avec la deuxième journée de l'Europa League. À 18h55, Anderlecht reçoit le Dynamo Zagreb. À 21h, le Standard fait face au Turc de Lakhisarspor. Et puis, à 21h encore, Genk affronte les Norvégiens de Sarpsborg. Jeudi 4 octobre, bienvenue sur Énergie. J'ai l'impression qu'on est au Club Med à chaque fois qu'on chante le générique. Oui, c'est ça. Allez, allez! Plus haut les jambes mécaniques, plus haut les jambes, on sort de l'eau, allez, allez! Jane qui va arriver dans un instant, 8h04, bonjour! Bonjour! On est là, c'est le Fifou, c'est le 6-9. C'est le Fifou Show avec les Fifous du matin, évidemment. On est sur Instagram, on est sur Facebook, les Fifous du 6-9 pour nous retrouver, les copains. Est-ce qu'on va arriver à 7777 aujourd'hui sur Instagram? Je sais pas, mais en tout cas, on a reçu un super chouette message que je vais vous lire parce qu'il est canon. Grâce à vous, j'insulte un peu moins les gens sur la route, étant donné que je suis trop occupé à rire de vos conneries. Merci Énergie, je vous surkiffe, Eva. Ah ben, gros bisous Eva. Oh, gros bisous, merci Eva. Beaucoup. Merci Eva, gros bisous à toi. J'aimerais bien qu'on soit avant 9h à 7777. C'est envisageable, les copains. Mais il faut une petite centaine de personnes. Allez, remuez-vous, vous appelez les collègues, vous appelez les copains, là, le 6-9 Énergie Belgique, ou alors les fifous du 6-9. Tout simplement, vous tapez ça sur Instagram, vous allez nous trouver à coup sûr, il n'y a que nous qui peut. Ouais, c'est ça. Il n'y a que nous qui s'appelons comme ça. Et on cite vos prénoms, là. Il y a évidemment Cyril qui est là, il y a Kevin qui vient de nous rejoindre. Bisous Kevin. Kevin avec sa petite copine, je pense, sur sa photo. Ouais, il y a Clara. Bisous Clara avec ses petites étoiles dans les cheveux. Mais oui, c'est la mode des filtres. Bisous Clara. Il y a Valentin aussi qui vient de nous rejoindre. Bisous Valentin. Et Léa aussi, salut à toi ma belle. Il y a Marie. Coucou Marie. Salut Marie. Laura, ouais. Il y a Clo-Clo. Clo-Clo. Il y a que des filles. C'est... Ah non, il y a Joe. Il y a Philippe aussi. Philippe, il y a Joe aussi qui est là. VP World. Et il y a Popo. Popo, elle est en train de bronzer sur la plage au calme. C'est une vadrouilleuse. Bisous, Popo. Allez, venez nous rejoindre les fifous du 6-9 sur Énergie, tout simplement sur Instagram. Mathieu, big up à toi aussi. Antoine, Romain, à Vélibé. Bisous, les copains. Merci de venir nous rejoindre les fifous du 6-9 sur Énergie, tout simplement. On écoute Jane. Et juste après, c'est le retour du duel Énergie avec un Benjamin qui est au taquet là. En train de nous ruiner, même. Ah, ouais, un peu trop là. Un peu trop. Commence à donner un peu trop d'argent, ça suffit. On revient dans un instant, juste après Jane sur Énergie. C'est le 6-9, bienvenue. If love is around, I know you think that I am over you. But I have just better things to do than crying over you. I really got to move. But with the love that I keep around, I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be fist. free your city runs into my dreams. Darling, I look about the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love, I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy, I just really wanna move on. Things gonna be alright, things gonna be just fine. Things gonna be alright, if love is around. Things gonna be alright, things gonna be just fine. Things gonna be alright, if love is around. Steer it up, the life is made for us. Énergie, Martin Garrix qui va arriver. Oh, j'adore ce son. J'adore ce son. Très très fort. Du Jack Jones aussi pour vous dans un instant. Et là, comme tous les jours. Et oui, c'est le retour, on adore. Le duel énergie. Vas-y, grosse voix, tu peux y aller. Le duel énergie. J'ai trop envie qu'un jour, tu vois, ils te disent le duel énergie. Alors, enfin, c'est. Comment dire, c'est enregistré. Ils disent déjà, j'ai pas une grosse voix, tu vois, qui change quand même. Je me mets à flipper, mec. Si tout le monde se met à me parler, je vais dire oula, t'es caché où, Richard? Sors de ta cachette. Jack Jones, dans un petit instant, avant ça, le retour du duel énergie ce matin, on a un Benjamin. C'est notre maître du duel qui est au taquet comme Jaja et qui est à 2700 euros. Waouh. C'est bien ça, Benjamin? Salut l'équipe, c'est bien ça. Salut, salut, salut. C'est bien ça. J'imagine le mec qui veut nous arnaquer. Ah non, on avait dit 3002 hier. Ouais, c'est ça. Et les intérêts, tu les comptes les intérêts. Benjamin, seul bienvenue pour une nouvelle participation ce matin. Tu es notre maître du duel incontesté depuis déjà pas mal de temps. Tu es même le suprême maître du duel puisque c'est toi qui as ramassé pour l'instant le plus d'argent dans sa cagnotte. Bravo. Qui vient challenger Benjamin ce matin? C'est Nina qui travaille comme agent immobilier. Elle est passionnée de photographie. En ce moment, elle regarde aussi la série The Good Doctor, comme toi, tu aimes. Ouais, j'adore, j'adore. Et puis, elle adore les sports artistiques comme le pole dance. Donc, Benjamin, j'ai envie de te dire qu'elle va peut-être te séduire en tournant autour de la poutre, mais au passage, elle va te foutre un petit high kick dans la tronche pour se battre au duel aujourd'hui. Méfie-toi. Ah, oh, c'est dur. Ah, c'est dire qu'on la paye pour dire des conneries. Incroyable. Rappelle-nous le prénom de la demoiselle. Nina. Nina. Bonjour, Nina. Bonjour. Bonjour. Oh, Nina. Pole dance. Oui, ça change un genre de sport. Ah, je dirais bien à ma femme de s'y mettre, moi. Tu sais que dans mon club de tennis, ils ont une salle de sport en bas et ils ont commencé du pole dance. Mais enfin. Bizarrement, il y a de plus en plus de gens qui viennent jouer au tennis. Non, mais il y a du pole dance, mais il faut savoir le refaire parce que sinon, c'est très dangereux. Ça peut être très sexy, mais ça peut être très moche aussi. Hein. Ouais. Si tu me mets sur une barre de pole dance, je peux te dire que ça donne pas le même effet. Et t'as une barre à la maison ou pas? Non, pas du tout, c'est trop cher et j'ai un très petit appartement pour ça, mais j'allais à une salle avec plusieurs filles et on faisait ça tranquillement. Mais c'était très compliqué, C'est où la salle? Je veux bien m'inscrire. Allez, on y va. Nouveau duel énergie ce matin. Benjamin, Laurence, prêt à vous affronter. Laurence. Nina. Nina, pardon. Attends, je prends un crayon, parce que j'en ai rien. Tiens, c'est ça, je l'ai. Merci. Moi, c'est un poisson rouge, hein. Je fais le tour du bocal. Comment tu t'appelles déjà? Nina et Benjamin. C'est au parfum. Oh, bah oui, Nina Ricci. En plus, ils sont super bons. J'avoue. Nina, Benjamin, vous allez vous affronter pour un nouveau duel. Et ce matin, c'est peut-être en ta faveur, Nina. Il s'agit d'un duel spécial. Girls Power. Yeah. Pam, pam, pam. Girls Power, jusqu'à 500 euros à gagner. Il y a 5 extraits musicaux, 100 euros par extrait. Et je rappelle la règle importante. Votre buzzer, c'est votre prénom. Exactement. Voici le premier extrait. Bonne chance à tous les deux. J'ai entendu Benjamin. Ouais, Benjamin en premier, mais Nina pas loin dans la course. Ça risque de le faire bien. Benjamin, t'écoute. Léa Passy. Et Léa Passy, ça nous fait 100 euros. Pour aller où, Benjamin, 100 euros déjà. Voici le deuxième extrait. Benjamin, on t'écoute. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? T'as dit quoi? Oui, j'ai entendu. Jennifer. Jennifer, et ça fait 200 euros. Bon, Nina, faut se réveiller là. Hein. Mais oui, mais il va super vite, donc. C'est un rapide. Ouais, sa femme aussi nous a dit qu'il allait super vite. C'est pas gentil. Je déconne, hein, Benjamin. Ça fait. Oui, il s'en fout, tu sais, il prend 200 euros, ouais, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, c'est ce qui compte. Après les blagues, moi, c'est pas grave. Hein. Benjamin est à 200 euros. Nina, tout est encore possible. Mais là, je ne veux pas te mettre la pression, Nina, mais là, il faut y aller, il faut mettre le pied dedans quand même. Allez, moi, j'y crois pour toi, Nina. On est avec toi, Nina. Voici le troisième extrait. Nina. Oui, Nina, on t'écoute. Beyoncé. Beyoncé. Mais oui. Ouais, ok, d'accord. On n'a pas tous la voix de Beyoncé. Hein. On essaye tous, mais on n'y arrive pas. C'est vraiment ça. Eh ben, bravo, Nina. Ça fait un point et peut-être 100 euros pour toi si jamais tu arrives à battre Benjamin ce matin. C'est tout le mal qu'on te souhaite, vraiment, Nina. Surtout la compta. Voici le quatrième extrait, Nina, et c'est l'occasion pour toi de revenir au score avec Benjamin, sinon ça va être compliqué. Ouais. Quatrième extrait, c'est parti. Voilà. Ah là. Ça venait du fond du cœur. Benjamin, on t'écoute. Ariana Grande. Ariana Grande. Oui. Ah oh là là là là là là là là là là là là, Benjamin, tu nous énerves. Oh non, ça va pas là. Eh ben oui, c'est la bonne réponse. 300 euros pour Benjamin. Oh là là. Il va nous dépouiller. Il nous dépouille. Et je te jure, Benjamin, si tu continues, lundi, on vient pas travailler, on pourra plus être payé. Bah ouais, c'est ce que je pensais. Energy va faire une retenue sur salaire. Voici le dernier extrait, Nina. Écoute, fais tout pour essayer que bon, hein, oui, il repart pas avec 400 ce matin, ça serait bien quand même. Nina, on est avec toi et bonne chance aussi à Benjamin. Voici le dernier extrait de ce duel. Nina en première, on t'écoute. C'est Thérapix là. Thérapix ? Oui, en tout cas. Non, c'est le parc Astérix qu'on offre. <c'est la> Thérapix, nous dit Nina. Et. Non, c'est pas ça. Oh. C'est pas ça. Une idée, Benjamin ? Angèle ? Il m'énerve. Ah, mais c'est bon, oui. j'arrête j'adore, de jouer. Nina. Ah, mais oui. Ah, ben si, ça va. Oui, c'était Angèle. Ah là là là là. Eh ben, ça fait 400 euros pour Benjamin ce matin. Il reste notre maître du duel. Bravo. Ce qui est incroyable, c'est qu'on essaye de le faire tomber avec des girls power et mais tout. Mais ouais, et on n'y arrive pas. Ouais, mais je regarde Camping Paradis, pour ça. 3100 euros pour Bravo Benjamin. Bravo. Ah ouais, non, hey, waouh. Franchement, c'est un excellent montant de cagnotte, ça. 3100 euros, c'est la plus belle cagnotte qu'on ait jamais eue dans le duel énergie. C'est deux salaires. Hein. Et il a gagné c'est ça en moins d'un mois. Hein. En moins d'un mois, oui. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours que t'es avec nous, Benjamin, plus ou moins, si on reprend depuis le début. Ben, je vais compter. En fait, avec la participation qui a été annulée, on est à 12 aujourd'hui. 12 aujourd'hui. C'est vrai que j'avais dit que je calculerais pour aujourd'hui. Je l'ai pas fait. Tu l'as fait pour moi. Merci, Benjamin. Oula, non, c'est pas le moment de prendre quelqu'un au téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et ben, 12 participations. Et donc aujourd'hui, ça fait 13. Alors, c'est ça? Ou aujourd'hui, on est à 12? Si on compte celle qu'on a annulée, aujourd'hui, on est à 12. Aujourd'hui, on est à 12. Et ben, bravo. 12 participations. 3100 euros pour Benjamin. C'est du duel énergie. Merci. Vous voulez jouer avec nous, vous envoyez duel par SMS au 6018, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Venez faire tomber ce Benjamin. Je suis sûr qu'il y a plus fort que Benjamin. Mais je suis sûr et certain. Mais moi, honnêtement, si je joue contre toi, je te bats. Eh ben, bien joué quand même, Nina. On te souhaite une belle journée, ma belle. Merci à vous aussi. Oui, bisous. À bientôt. Gros bisous, Nina. Et Benjamin, ça me tue le cœur de te le dire, mais bon. À demain. À demain, l'équipe. À demain, Benjamin. À demain. Le duel énergie. C'est le 6-9. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie.

ring ring. Hello, you there? C'est l'un de mes préférés en ce moment, Martin Garrix avec Khalid. On vous a mis ça dans la playlist énergie dans un petit instant. Avant ça, breaking news. Info de dernière minute les copains, ça vient de tomber, important. Quoi? Très très important. J'adore, Tiffany qui me regarde avec ses yeux globuleux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais flipper aussi? Vous pensez que c'est le service technique? Eh ben non, c'est pas ça. Non, ils sont toujours pas là. Attends, il est 8h20, ils doivent prendre leur petit-déj. Attends, c'est vrai. Non, mais ils sont en grasse mat, là. On va parler de... Oui, parce que comme ça, si vous savez pas, on est dans notre ancien studio, hein. Nous sommes professionnels, nous savons faire une émission, mais c'est la galère, quand même, depuis 6 heures, je vous le cache pas. On va parler de Friends, la série Friends. Ouais. Voilà. Ouais. Dans le nouveau studio, j'aurais pu vous mettre la musique de Friends. Je sais, ils vont faire le film enfin. Le film? Ah ouais, oui, c'est vrai, ce serait bien ça. Ça fait 30 ans que j'entends qu'ils vont faire un film. 30 ans. Et ça fait 30 ans alors que t'en as que 28. Alors, il y a vraiment des questions que les fans de Friends se poseront pour l'éternité. Et parmi ces questions, notamment, Rachel et Ross étaient-ils vraiment en pause? Comment ça? En fini. C'est dans la série. Ah oui, vraiment, ouais, ils disent que c'est fini. Voilà. Eh ben, sachez-le, Rachel et Ross n'étaient pas censés se séparer dans Friends. Quoi? Eh oui, c'est carrément Kevin S. Bright, le producteur de Friends, qui a été interviewé et qui a confié ça. Et qui a dit: je ne dirais que ce n'était pas prévu initialement. C'est honteux. C'est honteux. Honteux. Alors, ils savent bien que les gens voulaient qu'ils soient ensemble, mais quand on les a réunis et que le premier bisou est arrivé, on a réalisé que le ballon se dégonflait. Il n'y avait plus de tension. Donc du coup, ils ont décidé En fait, les deux acteurs, David Schwimmer, pardon, et Jennifer Aniston, en fait, dans la vraie vie, enfin, il n'y avait pas de feeling. Du coup, ils ont dit, on va changer le scénario, quoi. Exactement. Alors, c'est toujours un casse-tête à chaque fois pour les scénaristes de trouver le juste équilibre entre pas trop frustrer les fans, mais qui est quand même des intrigues forcément, ouais, pour avoir envie de regarder. Et donc, sachez-le, Rachel et Ross n'étaient pas censés se séparer dans Friends. J'ai envie que ce matin, on se refasse les fins de film. On prend un film, on refait le film. C'est, enfin, attends, restons sur Friends deux minutes. Tu sais que t'es en train de bouleverser toute mon enfance. C'est là, vrai, hein, à ce moment-là. Bah, écoute, voilà. Rachel et Ross n'étaient pas censés. Je vais me mettre en congé, moi. On refait la fin de film. On fait un film, carrément. On change un film. Frisco, ça serait quoi, toi? Ouais, moi, ce serait Inception. Avec DiCaprio, ouais, avec DiCaprio et Cotillard, ouais. Ouais. Alors, j'adore Christopher Nolan, mais mec, prends des... Moi, je suis sûr qu'il a eu une panne de caméra, tu vois, une panne de batterie. Il n'y avait plus de batterie. Et donc, la toupie, elle tourne. On ne sait pas si elle tombe ou quoi. Et puis, il a fait, merde, j'ai plus de batterie, on arrête le film là. Ça fait une belle intrigue, c'est bon. On ne sait pas si elle va tomber ou pas. Ouais, c'est ça, et ça me stresse. Donc, la prochaine fois, je ramène des trucs. Jérém. Moi, ce serait Podium. Pourquoi? Ben parce que à la fin il chante Julien Clerc pour sa femme. Ouais. Eh bien moi je dirais qu'il chante pas Julien Clerc, il chante du Claude François, il gagne le concours et il lâche sa femme et il sort avec une Bernadette. Ah ouais, carrément, tu t'emballes, quoi. Oui. Ouais. Moi je me refais Titanic, moi. Ouais. Ouais. J'arrive. Jacques arrive à monter sur la planche. Ouais. Donc il est sauvé. Ils arrivent à Southampton. Ils ont 12 enfants avec Rose. Ils montent une équipe de foot et Jacques vient président. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Magique. Tears on love. If you're so it's taking love, we'll come for you for sure. If we're caught in a wave, I will carry over. It don't matter where you are, I'll run to your front door. When my echoes in every direction, you know my walls never on the moon. Dark times, you don't have to question. If I'm my aunt, where we are, you could put an ocean between our love, love, love. It won't keep us apart. You could build a wall, I would want it. Un petit tour au parc. Vous gagnez votre séjour en famille au parc Astérix dans le 6-9 sur Énergie. Deux jours, une nuit pour quatre personnes au parc Astérix, les copains. Ça va tomber dans moins d'une demi-heure maintenant. Il faut vous inscrire. Vous envoyez Astérix tout simplement par SMS au 6018 Astérix au 78. C'est 1€ le message envoyé et reçu. Et on vous offre ça dans quelques minutes. On a le sondage qui va arriver, les sondages du jeudi. Un Belge sur trois se le fait voler au travail. Si vous avez une petite idée, réfléchissez. Je vous donne la réponse dans un instant. The thunder, ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. God, you're beautiful. Yeah. 8h31 sur Énergie, merci d'être là ce matin, c'est le 6-9. Kenji qui arrive dans un instant, les sondages du 6-9 aussi, avant la météo. On aura des nuages ce matin, rassurez-vous, ça ne va pas durer puisque les éclaircies seront de retour cet après-midi. Côté température, entre 15 degrés Montfagny et 20 degrés partout ailleurs. On s'informe l'actu de ce 4 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, le trafic des trains est perturbé entre Liège et Louvain sur la ligne à grande vitesse. Un vol de câble est survenu à hauteur de Hanu durant la nuit. Les trains sont actuellement déviés sur la ligne classique et il faut s'attendre à des retards, voire même des suppressions. Les réparations sont toujours en cours. C'est une info qui interpelle. Un élève sur quatre quittera l'école sans savoir lire correctement. L'association Changement pour l'égalité a analysé les chiffres issus d'enquête PISA.

studios vendredi, Kenji. Live session énergie, restez à l'écoute. On a toujours des artistes comme ça qui viennent nous voir en concert ultra privé. Ils pouvaient être aussi parmi le public. Donc, ouais. Dommage, ce sera pour une prochaine fois, mais voilà, restez branchés. David Guetta de Marie, c'est ce qu'on écoute dans un instant. Avant ça, comme tous les jeudis et le mardi, à 8h35, c'est les sondages du jeudi. Je vous l'ai dit, un Belge sur trois se le fait voler au travail. Mais quoi, à votre avis? On en parle dans un instant. Avant ça, 24% des hommes avouent avoir déjà essayé ça. 24% des hommes. 24% des hommes avouent avoir déjà essayé ça. C'est une activité? C'est pas une activité. Ah. C'est mettre des sous-vêtements féminins. Il est très fort, Frisco. C'est très, très, très fort. Mais non. C'est mettre les sous-vêtements, essayer les sous-vêtements de leur copine. Ah bah, j'en fais partie. Mais non, non. Attendez, pas des petites culottes, mais j'ai déjà mis un soutien-gorge, quoi. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi? Pour voir ce que ça faisait, parce que tu vois, les filles disent tout le temps que ça soulage de détacher. Je voulais voir si ça sert et tout ça, donc. Mais t'as rien à mettre dedans? Non, c'est vrai, pas encore. Moi j'ai essayé, j'ai de quoi mettre dedans. C'est pas mal. J'allais dire, moi je peux mettre un petit 85B à l'aise. Hein. Je suis sûr que je le remplis. Ah, si tu mets un push-up, franchement, tu pourrais être sexy. Je peux t'en masser si tu veux. Arrête, c'est mon plus gros complexe en plus, mais ça, je te jure. C'est vrai? Ouais, le médecin à l'adolescence, il m'a dit, c'est normal, c'est les glandes derrière qui t'envoient une hormone inverse. Donc si t'es un mec, ça t'envoie une hormone féminine, si t'es une fille. Hormones masculines, c'est dans les glandes derrière dans le dos. D'ailleurs, les filles, c'est pour ça qu'elles ont la moustache à l'adolescence. Mais voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai, c'est pas une bêtise, je vous jure que c'est vrai. J'ai une moustache, moi. Et pour certains, ça reste aussi la moustache. Bonjour le Portugal, si vous nous écoutez. Eh ben, je vous promets, il m'a dit ça à 14 ans, j'en ai 31, c'est toujours pas parti. C'est ça, t'as pas fini ton adolescence et tout. C'était Docteur Tocard. 68% des enfants le disent en moyenne 4 fois par jour. À votre avis, c'est quoi? Un gros mot? Ouais. Non, c'est pas un gros mot. 68% des enfants, c'est beaucoup quand même. Je m'en fous, je suis un rebelle. Moi, quand j'étais petit, je disais j'ai faim, mais c'était plus que 8 fois par jour. Ils le disent en moyenne 4 fois par jour, des enfants, à votre avis. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Et pourquoi? Ah oui! Ça, à mon avis, c'est pas 68%, c'est 99% des enfants. Les enfants qui disent non tout le temps, à tout. Quand est-ce qu'on arrive? Ça aussi, ça aurait pu être. Non, c'est très mignon, c'est de la mignonnade, je vous le dis. Je t'aime. Exactement. 68% des enfants le disent en moyenne 4 fois par jour, je t'aime à leurs parents. C'est beaucoup quand même. C'est trop mignon. C'est beaucoup, ouais, c'est énorme. Hein. Vous disiez je t'aime à vos parents, vous, quand vous étiez petit? Bah oui. Non. Moi, je leur dis encore maintenant. Mais toi, c'est fou comme t'es tactile avec tes parents. Ouais, franchement, c'est dingue. Ouais. On a l'impression qu'il est en couple avec son papa. Non, pas à ce point-là, mais. Mais je te jure que. Non, mais c'est vrai que. Ouais. Et c'est en train de vous toucher, toujours une main qui est posée sur l'un ou l'autre. Sur ton épaule, ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est bon, franchement, c'est. C'est trop mignon. Tu me fais passer pour un mec super flippant, mais à l'aise. Et enfin, un Belge sur trois se le fait voler au travail. À votre avis, c'est quoi? Son bic, hein? Son bic. C'est toi qui l'a volé. Qui a volé? A volé le bic du voisin. Non, c'est pas moi et c'est pas ça. C'est pas ça? Non, c'est pas le bic. Voler son job? Son job. T'imagines? Tu veux le job de quelqu'un d'autre? Non. La femme de son pote employé. ou le mari. Ça, c'est trash quand même. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est son téléphone? Un Belge sur trois se le fait voler au travail. Non, c'est. Allez, si je vous dis ça, je vous donne un gros indice. Attends. Mais, si je vous dis pause. Oh, son déjeuner. Son déjeuner, les copains. Non. Un Belge sur trois se fait voler son déjeuner au boulot. Ah, mais c'est des champions ici, Synergie. Déjeuner, c'est le petit déjeuner ou la boîte à tartines? La boîte à tartines pour du midi. Quoi. Ouais. Ton déjeuner, quoi. Mais ça a toujours l'air meilleur dans la boîte de l'autre. Ouais, mais il faut arrêter de faire ça. Ici, c'est les champions du monde chez Énergie. Mais je crois que partout, tu te dis, ça a l'air bon, et puis tu goûtes, et puis tu termines la boîte, comme les pralines, quand tu en goûtes une. Ou alors quand tu peux faire un sandwich et tu te dis, allez, un petit peu de mayonnaise, etc. Tu fais, je vais prendre au voisin. Et après, quand le voisin en a besoin, tu veux, il n'y en a plus. Voilà. Scandaleux. Honteux. J'ai ramené un couscous midi. Premier qui touche, je le noie. David Guetta sur Énergie. I don't wanna lie, can we be honest? Right now, while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. Be alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying.

8h53 sur Énergie. C'est un jeudi qui démarre. Jeudi 4 octobre. Bonjour jeudi. Et on le démarre tous ensemble avec vous sur Énergie. On est ravis d'être là. Ah oui, dans la bonne humeur, dans la joie de vivre. Et là, nous allons jouer ensemble au Game Song ce matin. C'est un jeu, moi, que j'adore. Il me fait marrer ce jeu, mais c'est vraiment. C'est un de mes jeux préférés, je pense. Ah ouais. On remplace un mot dans une chanson par un bruit de chèvre ou par un, voilà, un bruit d'animal. Ouais. On aime bien. Jason Derulo avec Colors dans un instant. Et qui vient jouer ce matin, Tiffany? Elle est prête. Alors, c'est Nadia qui travaille comme étudiante en droit. Elle aime le théâtre. Et d'ailleurs, elle en fait depuis 12 ans. Depuis qu'elle a 12 ans. Et elle aime beaucoup la série Bones. Bones? Ah oui. Oui. Ah, je vois pas ce que c'est. Avec aussi celui qui jouait dans Buffy contre les vampires. Ah ouais. Mais je sais plus du tout le comment vampire, il s'appelle. Le vampire, là. Ouais, le beau. Ah ouais. Le beau. Laetitia, c'est ça? Nadia. Nadia. Dis donc, toi, t'as un cerveau de j'en moineau, quoi. Nadia, bonjour. Bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue, Nadia, ce matin avec nous dans le 6-9. On va jouer avec toi au Game Song. On va se faire écouter des extraits musicaux. Sauf que tu vas vite remarquer qu'il y a des mots qui manquent. Et ils ont été remplacés par des bruits d'animaux. À toi de nous dire le mot manquant, tout simplement. Ok? D'accord. Voici le premier extrait. Loin de l'ennui et le jour. Dans l'espace inouï de l'amour. Alors, à ton avis, Nadia, quel est le mot qu'on cherche ce matin? C'est con ce jeu, mais c'est drôle. Est-ce que je dois dire le nom de l'animal? Non, on a remplacé un mot de la chanson par le cri de l'animal. Tu dois nous retrouver le mot. Le mot caché. Tu vois qu'il était à la place du. Alors, le mot de cette chanson. Alors, je connais pas cette chanson. C'est vrai? Mais enfin. On va le laisser pour les auditeurs. Oh là là là. Dommage. Hey, il est facile, les copains. Si vous voulez jouer avec nous ce matin, vous envoyez jeu plus la bonne réponse au 78. C'est 1€ le message envoyé et reçu. Jeu. Plus la bonne réponse du mot qu'on cherche de cette chanson. C'est Désirless d'ailleurs, comme indice que je vous donne. De l'océan. Quel est le mot qu'on cherche? D'ailleurs, il y a les cœurs. Oui, bah, ouais. Je plus la bonne réponse par SMS au 78. Vous envoyez ça maintenant. Et puis bah, peut-être que vous viendrez aussi avec nous et gagner du cadeau ce matin. Nadia, voici le deuxième extrait. On cherche le mot manquant. Sois attentive, c'est parti. Oui, j'ai trouvé. Oui, love. Tu nous dis love. Oui, love. Love. Et ben, on vérifie. Oui. Bonne réponse, Nadia. Ça fait un point. Un point pour toi, Nadia. Voici le dernier extrait. Ah, celui-là. Oh, je sens qu'on va se marrer. Concentration. C'est parti. J'aurais même fait bah. À ton avis, Nadia, quel est le mot qu'on cherche? Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Mais oui, bonne réponse. Bravo. Je suis pas ta cata, dja dja. En cas d'un baby, tu dettes ça. D'après toi. Eh ben, Nadia, tu sais quoi ce matin? C'est gagné. Bravo Nadia, du cadeau pour toi, on te laisse choisir. Je te laisse voir avec notre amie Tiffany qui va régler ça avec toi. Et on te souhaite une excellente journée Nadia, tu reviens quand tu veux. Merci. Bisous. Bisous Nadia. Bisous bisous. Bisous à vous. Oh dja dja. Oh ciao. Oh Nadia. On revient juste après Jason Derulo. On vous offre votre séjour au parc Astérix maintenant. Ce sera juste après Colors. Oh what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. count all our reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, oh, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, oh, oh, we all together singing. Look how far we come now. Ready to people, a new day has just begun, and I wear my colors on my back. Yeah. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. Dans un instant, il a mis... Oh pardon, pardon Jason. Raise your flag. Ouais, laisse-le terminer. Et bon, t'as fini? Voilà. Merci. Vous gagnez votre séjour en famille au parc Astérix dans le 6-9 sur Énergie. Il arrive dans un instant, il a mis sa plus belle veste en jean aujourd'hui. Il est beau gosse quand même ce Tanguy, je vous jure, il est toujours à la pointe de la mode. C'est pas vrai, regardez ce qu'il a. Ouais, ça c'est un petit détail que juste Jérémy a vu. Sur sa veste, il a une lettre un brodée, un T brodé. Comme, mais non. Comme ça je sais, t'es comme t'es là. C'est mes vêtements. T'es voilà. Comme t'es là ou t'es pas là. T'es comme Tanguy. T'es comme Tanguy qui débarque dans quelques minutes pour votre playlist personnalisée. Comment ça va mon Tanguy ce matin? Bah écoute, super bien, mais ça fait bizarre de revenir dans cet ancien studio. Ouais. Tout. Je dirais merci à la technique. Vieux. Tout vieux, tout pourri. C'est la maison famille Adams. Ah ouais, ouais. En fait, on est dans un truc Halloween, quoi. Oui, clairement. En plus, comme on l'utilise plus, il n'y a plus encore les poussières. Mais ouais, et alors, et je tiens à ce qu'on s'applaudisse parce qu'on a quand même fait l'émission depuis 6 heures ce matin dans ce studio à la con. Bon, il faut le dire. Et on a bien galéré. Mais on a fait l'émission, messieurs, dames. On s'est amusé avec vous comme chaque jour. Ça a été un pur bonheur. On vous laisse entre les mains de Tanguy dans quelques secondes. Juste le temps d'appeler notre gagnant ou gagnante du jour. Qui va repartir avec son séjour au parc Astérix. Ah oui, il fallait envoyer Astérix. Astérix au 6018, c'est le code en effet, mon Jérém, qu'il faut envoyer pour s'inscrire et tenter sa chance. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, c'est comment ton prénom? Ça va et vous? Ça va, ça va, ça va. C'est un long prénom, c'est original. Salut, ça va et vous? Non. Ça va et toi? Ça va. Je m'appelle Christopher. Christopher, sois le bienvenu sur Énergie ce matin. Christopher. Merci, super. Ce jeudi 4 octobre ne sera plus jamais le même jeudi 4 octobre, puisque tu vas aller au parc Astérix. Bravo. Ah ouais. Bravo. Ah ouais. Bravo Christopher. Un séjour de 2 jours, une nuit pour 4 personnes. Tu sais déjà avec qui tu vas y aller? Ah, sûrement avec madame et les enfants. Hein. Vaut mieux. Ah, bah oui. Pour éviter tout problème familial, vaut mieux. Voilà. Et bon, on te souhaite un très bon séjour au parc Astérix, mon Christopher, et tu reviens quand tu veux dans le 6-9. C'est très super, très super. Gentil, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, on te souhaite une belle journée, Christopher. À bientôt. Merci vraiment. Hein. Salut. Bisous. Merci. Ciao, les copains. On revient demain, 6h sur Énergie en direct, évidemment, comme tous les matins. Demain, c'est vendredi. Oui. Le début du week-end avec le retour de notre PE en plus demain. Oh, ça va être chouette, ça va être ça va être cool. Ça va être très très bien. Il y a le 6-9 quiz aussi. Et il y a le 6-9 quiz demain, en effet. Y a et le mot gagnant. Le mot gagnant, le duel énergie qui reviendra aussi. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais si, monsieur. Et il y aura encore un séjour pour le parc Astérix. Et il y aura toujours votre séjour pour le parc Astérix à gagner partout à 10. On vous souhaite une bonne journée. Playlist personnalisée. Tu sais qui c'est aujourd'hui, mon Tanguy? Mélissa. Mélissa. Take it, baby. Ça dit jamais, baby. Ça. Chou. Demain dès 6h. Bonne journée Tiffany. Mais bonne journée à tout le monde. Bonne journée Aurélie de la rédac. Bonne journée. Bisous mon frisco. Bisous mon poulet. Bisous moi Jérém. Bilissa métissili. Bilissa Bijamé Bilissa. À demain. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. C'est le 6-9 qui vient te réveiller. 2 plus 1 gratuit sur toutes les colorations, soins et accessoires cheveux. Choisissez et mixez dans tous les magasins Dee et sur l'e-shop Dee.be. Dee, faites-vous plaisir. And you're listening to Énergie. Aujourd'hui, on commence avec la playlist de Mélissa. Alors c'est marrant parce que Mélissa, elle a mis un petit mot pour chaque chanson qu'elle a choisie. Je trouve ça trop chou. Bah, par exemple, on commence avec Selena Gomez qu'on écoute tout de suite. Eh ben Mélissa, elle a mis un petit message. Selena, car si j'avais une deuxième fille, je l'appellerais comme ça. Juste après Selena, on va écouter Vita. Mélissa qui a mis comme message Vita, car sa chanson me représente. Je vais encore lire les autres messages, mais faites votre playlist aussi comme Mélissa. Ça se passe sur énergie.be. In your eyes, there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose. Vous les choisissez. Faites votre playlist sur énergie.be. Les jours passent, mais ça ne compte pas. J'ai tant de mal à vivre. Pire, de ce parfum, c'est différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à lui, comme si j'étais ma propre prisonnière. Ça fait bientôt un an qu'il m'a sauvée de toi.